catch a deep one for the end zone. Thalen is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Flurry did it! That's play. Here's a shot! Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la Rougière. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bears have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Allons-y ce matin très rapidement, tout de suite. Bon, comme d'habitude à mes côtés, Sébastien Proulx devant moi. Non, ton micro est pas ouvert, Sébastien. Comment ça? Ah, parce que t'as pas pris le même que d'habitude. Le 5 est plus là. Le 5, oui, en effet, le 5 est plus là. Il donc, est disparu. On va y aller avec le 4 dans ce cas-ci. Bon matin tout le monde. Ça va bien? Ouais, super. Bien dormi? Ouais, fin de session, mais on reste fort. Donc, on dit pas bien dormi, on dit j'ai essayé de dormir. J'ai essayé. Et à mes côtés, Pierre-Luc Giroux. Oui. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Ta fin de session, ça se déroule comment? C'est assez difficile aussi. Ouais. 12 semaines cette semaine. La semaine prochaine, ça va être déjà plus relax. C'est fou, pareil, que la plupart du monde, la fin de session, la partie la plus top. Elle est là, là. Non, ouais, non, mais c'est comme la. C'est la partie dans. Faut pas la dernière semaine, l'autre. Non, c'est ça, l'autre d'avant. Fait que. On l'a à quelque part qui commence par P et qui finit par Ototin. Mais. Ou qui commence par C, puis qui finit par UL, puis qui est comme Luc, mais à l'envers. Alors, ouais, c'est ça. On l'a dans Luc. Ce matin, l'émission, bon, ben, on va parler Patriotes, on va parler hockey junior majeur, on va parler UFC, boxe, t'as gros du stock là-dessus, toi, hey, ça? La boxe cette semaine, puis la semaine passée, les deux semaines, il y a pas mal de gros événements qui se passent. Au Québec au complet, au Québec, là, ouais. Entre autres, là, parce que... En fait, semaine, c'est Lucas qui revient. Il y avait aussi Pascal Diaconu. Ben, moi, c'est surtout Pascal Diaconu. Ah, je sais, là, mais il y a quand même Lucas qui revient. C'est en fin de semaine, ça. Ouais. Fait que ça, c'est la fin de semaine. J'ai décidé de pas descendre dans mon coin, ça, là, pour... Je peux pas commander le combat. Moi, non, merci. Là, tu m'as brisé le cœur. Donc, c'est ça. On va faire des beaux travaux à la place, on est... On sait que t'aimes ça. Non, il va trouver un moyen, là, vraiment. Ça s'appelle ADTHE, quelque chose comme oui, ça. Oui, oui, oui. Il y a des sites internet illégaux, mais tu sais, je peux faire goûter ça en gang. Ah, personnellement, tu sais, des aides de poulet, tout ça, dans mon petit. Dans ma chambre, là. C'est même pas un appartement, là. C'est une chambre. Donc, venez m'appuyer si vous voulez. Ben open. Présence féminine. Présence féminine requise. Donc. Donc, cette semaine, à l'émission, on va avoir aussi JP qui va venir nous parler football de NCAA. La CIA s'est terminée. NCAA, par contre, c'était une très grosse semaine. On peut dire un peu la dernière semaine avant... la dernière semaine qui comptait. Il y a un match la semaine prochaine, c'est Army contre Navy. Ah, j'avais même pas remarqué. Oui, oui, oui. La fameuse classique qui se déroule. Non, hein, je pense que c'était au Eagles Stadium. C'est Eagles Stadium? Non, ça a changé. Le stade des Eagles, en tout cas, des Eagles de Philadelphie. Entre les deux équipes, donc comme à chaque année. Ça va être intéressant. Et on va discuter là, tout plein d'affaires, comme d'habitude. On se défonce. Convaincant, non? On se défonce. Fatigué. Hey, allons-y, la nouvelle vient de sortir sur la presse. C'est Vincent Brousseau-Pouliot qui rapporte ça. Québécois Média a l'intention de s'adresser au bureau de la concurrence et... au CRTC avant tout, pour faire terminer le monopole des Canadiens de Montréal sur RDS. L'argument de M. Pierre Calpelado, on sait présentement, M. Pierre Calpelado est vraiment sur une lancée dans ce qui est la remise en question de tout ce qui est câble distribution. Bon, il y a les fameuses chaînes généralistes que M. tente de faire financer. Mais aussi, bon, je cherche à changer un peu les façons de pratiquer des câbles distributeurs, dans le fond, probablement pour aider Illico, mais aussi pour arrêter, en tout cas, ceux qui disaient qu'ils voulaient arrêter sais, les fameux packages, là, que les si packages, tu veux. Là, comme... mettons, quelqu'un qui parle juste français, qui veut RDS, est obligé de prendre TSN, ouais. Sportsnet, bon, tout ça. Là. Non, c'est pas vrai, il y a un paquet francophone. Mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Bon, mais faut que tu rajoutes, mettons, les sports, ou quelque chose comme ça. C'est tout divisé. Divertissement, sport, cinéma. Tu peux pas juste avoir Sportsnet, ça te prend tous les autres postes avec, puis ça te coûte 7$ au lieu de t'en coûter, mettons, 2$ par poste, quelque chose comme ça. Donc, je cherche à faire ça. Mais là, l'argument, c'est ça, là. RDS qui est devenu... Bon, le Canadien a signé un contrat jusqu'en 2012-2013 avec RDS au coût d'environ 20 millions par année. Exactement, pas des petits bidous. Par contre, l'affaire, c'est qu'RDS tire à peu près 30 millions de profits par année là-dessus. Payant. Fait que bon. TVA voudrait avoir une partie des revenus en, TVA, en diffusant quelques matchs par année. Ben, ce qu'il y a eu, c'est que TVA lance la chaîne TVA Sport, espère lancer la chaîne TVA Sport dans quelques années. La demande est faite au CRTC. Ils vont affronter probablement Radio-Canada Sport qui, eux, veulent lancer une chaîne de télé, ce que je trouve très louable. Il était en effet de ce côté-là que le monopole sportif de RDS au Québec soit terminé. Je veux dire, je veux revoir des émissions. Parce que là, ce qu'il y a eu avec RDS, c'est qu'on prend le stock des États-Unis, on pack nos affaires avec ça, on fait un minimum d'efforts pour ce qui est de la production d'émissions locales. Hein, on plaute au complet, on met de la tapisserie canadienne de Montréal partout sur le poste. C'est encore pire depuis que les expos sont partis. Donc, on se force plus. Il n'y a pas de hockey junior à RDS, zéro hockey junior. Au moins, à Radio-Canada, il y a le football. Oui, il y avait le football, le ça. Ils ont perdu les droits pour Radio-Can. C'est ça. Il y a le soccer aussi. Ils ont perdu les droits. Mais gars, le soccer, là, il se forçait pas à RDS. Non, vraiment pas. Ils ne voulaient pas vraiment le conserver. Là. Il s'en foutait. Là. Si le match n'était pas diffusé, mettons, à Fox Sports Net, donc, puis eux achetaient les droits, ils n'allaient jamais produire ça, ou à peu près pas. C'était très rare. Donc, RDS se force pas, là, derrière, pour garder ses affaires. Puis là, présentement, c'est, pousse le Canadien au maximum, partout. Le samedi soir, là, c'est RDS d'un bord à l'autre. Là, à partir de 17h à peu près, t'as le journal du Canadien. Est-ce que c'est nécessaire, cette émission-là, le journal du Canadien? Non, mais t'en apprends plus sur les joueurs. On n'entend pas assez parler. Mais ouais. Non, mais déjà que le quart de ton bulletin est dédié au Canadien à tous les jours. Ouais. J'ai pas besoin d'un journal du Canadien pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine du Canadien. Je le sais, Simonac, OK? On en parle assez. Ça serait peut-être des autres sports qu'on aurait besoin d'entendre parler. C'est ça. Tant qu'à ça, moi, je préfère le monde du sport, Juliette qui m'en apprend tellement plus sur tous les sports, les combats d'avion, Red Bull, puis l'escalade, puis tout. Au moins, je vois des choses différentes. Moi, personnellement, les gladiateurs et les hommes forts, là, j'écoute ça. Là. C'est bon. Okay. Ah, c'est le fun, une fois de temps en temps. T'sais, c'est ça, ça prend de la diversité. Parce que là, c'est ça, le samedi soir, c'est bon. Journal du Canadien, après ça, t'as Sport 30 qui parle du Canadien tout le long. T'as l'avant-match. La Ligue en question. T'as le match. Après ça, t'as genre, t'as la Ligue en question c'est aussi. L'antichambre. Bon, l'antichambre qui parle du match du Canadien. Après ça, t'as Sport 30 qui parle du match du Canadien pendant la moitié de Sport 30. Quitte à mettre de côté tous les autres matchs en Ligue nationale. Après ça, t'as Canadien Express, comme c'était nécessaire. Ouais. Là. J'aime Canadien Express la semaine, mais le samedi soir, là, je préférais qu'il y avait de la boxe RDS. C'est vrai, il y avait de la boxe. Hein. La lutte. Ouais, de la lutte aussi. Moi, La TNA. Bon, c'est ça, fait que ça. Bon. Non, mais si il y a Radio-Canada Sport et TVA Sport, moi, ça serait c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. C'est très bon. Moi, j'aimerais bien ça. Ça l'ouvre des pops. Ça va juste être ça l'ouvre des pops pour des gars qui peuvent travailler là-dedans. Ouais. Clin d'œil. Mais donc, c'est ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Pelado veut faire arrêter ça, veut annuler le contrat de RDS en disant son argument, c'est que vu qu'il y a des propriétaires du Canadien qui sont aussi propriétaires d'RDS, ça fait un monopole dans le sens que jamais le Canadien va pouvoir se retrouver sur son poste. Ouais, mais t'avais juste à y penser avant, là, quand t'as eu la chance des acheteurs de droits pour le Canadien. Est-ce que tu l'as fait? Non. Mais il était pas aussi hot dans ce temps-là. Ben non. Là, c'est hot. Là, c'est hot. Tant pis. C'est le numéro un. Félicitations à RDS, ils ont fait un investissement de débile là-dessus. Il y a juste à attendre en 2012-2013. Ouais. Souhaiter un retour des Nordiques. Oui, c'est plus ça. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'en 2012-2013, il n'y aura même pas accès à ça. Il n'y aura même pas accès à ça parce que les propriétaires sont similaires. Ce que je comprends, mais gars, tout bad, c'est une entreprise privée, Canadien de Montréal. C'est pas un droit public. Là. Si lui, de son côté, là, puis à Carl, si Astral Media arrivait et disait « Ouais, mais nous autres, Star Academy, ça marche fort, Star Academy. » Y a-tu moyen d'avoir les droits là-dessus? Nous autres, on veut les droits là-dessus, là. Ouais, mais c'est sûr que c'est produit par Production J qui est québécois. Ben ouais, mais c'est la même chose. T'as regardé ça? Parce que Production J, Julie Snyder, on accouche avec qui? Bon, on accouche avec Pelado. T'auras jamais Julie Snyder qui va se retrouver. Non, c'est correct, je m'en fous là, qu'ils couchent ensemble. Il n'y a pas de trop. Amusez-vous, ok? Profitez-en, puis je leur souhaite un enfant. Okay? Oui, il y en a un. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas ces enfants. Bon. Je m'en fous de Julie Snyder, pour être franc. Mais, wow, je viens de me couper une place à TVA Sport. Mais c'est ça, là, dans le fond. Gars, tu l'auras pas, le Canadien. Promouvois, trouve un moyen d'autre chose parce que c'est une entreprise privée. Fine, c'est ça que je dis. Star Academy, Astral Media, voudrait Star Academy qui joue à Canal V. Qu'est-ce que Pelado dirait? Ben non, gars, c'est mon émission, là. Pourquoi tu l'aurais? Ben c'est ça, le Canadien de Montréal, c'est une entreprise privée, puis l'émission du match du Canadien de Montréal est produite par RDS. Mmh. Fait que tu l'as. Too bad, t'avais jamais investi. Achète les Nordiques, par contre, je vais être le gars le plus heureux au monde. Ouais, c'est ça. Je m'ennuie d'aller les Nordiques. Là-dessus, là. Je m'ennuie vraiment d'aller les Nordiques. Je m'aiderais plus là-dessus à sa place que d'essayer de faire de la marde avec RDS, mettons. Ouais. Mais s'il y a son poste, par contre... Ça va être génial, OK? TVA Sport contre RDS, Canadien de Montréal d'un bord, Nordique de l'autre. La rivalité des deux. Ce qui était Molson puis O'Keefe dans le temps au niveau de la rivalité là-dessus, là, ça va être Labatte. TVA Sport, puis ça va être... Puis Molson et Labatte. Oui. Parce que Labatte, très intéressé. D'après moi, ça sera pas la grosse rivalité Molson-Labatte, ça va être vraiment TVA Sport, RDS. Ça serait bon aussi. Là, tu vas avoir les pubs, tu sais. Labatte n'a pas grand-chance contre Molson, vraiment. Non, je pense que Molson pourrait acheter Labatte. Oui, je le sais, mais c'est encore drôle. Labatte, c'est très, très gros aux États-Unis. Je pense que Labatte, c'est gros. Labatte, c'est le deuxième plus gros brasseur au monde. Ouais. Parce qu'ils font partie d'Anheuser-Busch. Budweiser. Fait que non. Non. Tu regardes aux États-Unis. Je parle ici, c'est pas mal plus Molson. Ouais. Peut-être un peu plus. Quoi, la Bud marche fort, là. Mais va-t'en de l'autre bord de la frontière, puis ça va être différent. Guerre de femme. C'est pas de la Bud Light Lim, là. On va arrêter de plugger les bières, là, matin. Là. Il y a de bonheur par les bières. Il y a de bonheur. Puis on n'est même pas en lendemain de veille, ce qu'on a déjà animé des émissions en lendemain de veille, quelquefois. Maçon. Merci, Maçon. Donc, en tout cas, donc c'est ça, ça va être intéressant à suivre. Je vois juste pas comment ça peut donner de quoi. C'est pas un monopole en tant que tel, c'est une émission parmi tant d'autres. Félicitations, Canadien, mais Canadien n'est pas un bien public. Puis. Il voulait juste faire parler de lui parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait rien entendu de TVA. Non, il était là hier. Non, mais. Parle pas à travers ton chapeau, là. Ouais, c'est sûr, c'est pour faire parler du Paris. Ah, t'es cas. Alors, on va à la musique. On s'en va écouter. Parler de politique, on parle un petit peu de ça, là. Tu sais, c'est l'élection, le référendum de la FERC présentement, ouais. Là, dans les quartiers UQTRiens. Bon, on fait voter sur le portail. On va aller écouter une toute thématique, là. Vulgaire machin, un vote de moins pour ceux qui voteront pas. Ne vous abstenez pas, par contre, mais allez voter, là. Ça va être ça, là. Donc, on y va, un vote de moins, Vulgaire machin. Écoutez la conduite de partie sur C'est Fou. Manger dans un gros char de mer, ça va. Vulgaire machin, vote de moins. Sur les ondes de C'est fou. On continue avec les conduites de partie. On y va avec les Patriotes de l'UQTR. Qui dit... Toi, t'as encore changé de micro, je suis pas habitué, là. Je peux pas, je vais l'accrocher à l'autre. Il est pas là. Ouais, c'est ça. Non, il est brisé, je pense. Il est brisé, un bris d'équipement. C'est pas grave. Quelqu'un qui est tombé dans la face, celui-là aussi. Un autre. Pas que ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. Donc, les Patriotes disputaient deux parties cette fin de semaine contre la magnifique université de North Bay. C'est-à-dire Nipissing. Nipissing qui était parti sur une lancée. Bon, une défaite pour commencer la saison, suivie de 6 victoires de la part de Nipissing. Ils ont 7 défaites. Au moment de commencer le match, 7 défaites de suite. Donc, ils sont 6-8. Avant d'affronter, bon, la première équipe dans l'Est. Pourtant, ça avait bien commencé, si je me rappelle bien. 2-3 victoires de fil, je pense. Six victoires de fil. Écoute, quand il parle. J'ai juste à dire. Hein? Oups. Donc, écoute, c'était une fin de semaine, je te dirais, en dentis un peu pour les Patriotes. On l'a emporté contre Nipissing 4-2. Les tirs, par contre, 44-32 en faveur de Nipissing. Belle sortie Blanchard. Belle sortie Blanchard, si on peut le dire. Les buts pour les Patriotes, c'est Demers, société de Charland et Leblanc en première période. Alexandre Blais fait son 7e de la saison avec des aides de Joannis et Jean-Ca à 13 minutes 50. C'était la première fin. C'est ce qui conclut pour la première période. Pour le Pissing, en deuxième période, c'est une période All North Bay, si je peux dire. C'est Happening qui marque son 2e de la saison et Marcoux qui fait son 13e de la saison. Des aides à Quarry et Lahey en avantage numérique à 12-13. C'est 2-2 à la fin de la deuxième période. Bon, QTR, mené par Jean-Sébastien Breton, viennent vraiment clouer le cercueil de Nipissing. C'est G.S. Breton, justement, son 9e de la saison, des aides à Demers et Charland. Et G.S. Breton, son 10e, une aide à Charland en avantage numérique à 19-29. Écoute, c'est pas marqué, j'en déduis. Je m'en ai dit filet désert, mais si je regarde la fiche de Kyle Kentland, 28 arrêts sur 32 tirs, ce qui ferait 4 buts d'accordé. Marqué à la fin du match, c'est bon. Exactement. Donc, on mettait de la pression un peu chez les Patriotes. La première étoile, bon, ben, il n'y en a pas d'étoiles, ils n'ont pas nommé encore. Mais c'est encore une fois. C'était Charland, non? Ben, Breton ou Charland? Ben, c'est peut-être Charland à 3 passes. Breton, 2 buts, donc c'est les deux qui sont vraiment. Qui sont sortis du lot chez les Patriotes. Breton a le but gagnant. Vraiment, ça va être Breton en première étoile. Ben, je ne sais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je peux pas faire des miracles. Une belle foule. Dire, c'est Breton. Ça se continue chez les Lakers. C'est une foule de 2052 personnes. Donc, wow. Ça a baissé un peu depuis le début de la saison, qui avait une moyenne de pas loin de 3000. C'est excellent. On peut pas se comparer à ici. C'est une belle grosse arène. Ils ont juste dit, quand même. Ça rentre 2000 personnes au Colisée l'an passé. Pas ici, mais là-bas, ça pogne le hockey. Il n'y a rien à faire à North Bay. Si tu veux faire à North Bay. Qu'est-ce que tu peux faire? Pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux faire à North Bay? Pas grand-chose. Le club local de vidéos des nouveaux films, là, mais à part de ça. Le club de danseuses qui marche pas mal aussi à nous. Il paraît. Samedi! Bon, on descendait de Nipissing, on se rendait en Ontario. Ben, c'était en Ontario déjà, mais on descendait, on se rendait dans la capitale, à Ottawa. Pour affronter les Ravens de Carlton. Carlton qui n'a pas de mauvaise fiche cette année, ça va quand même bien au niveau du classement. Un autre match en Nancy, cette fois-ci c'est une défaite de 3-2 pour les Patriotes. Les tirs dans la partie 35-24 en faveur des Ravens. On se fait dominer sur les tirs en fin de semaine. C'est pas une bonne fin de semaine, non. On a beau sortir à 500, c'est vraiment pas une bonne fin de semaine. C'est peut-être pas la bonne façon de finir le calendrier avant Noël, surtout que tu as beaucoup de nouveaux joueurs qui s'en viennent chez les Patriotes. On a parlé, Félix Petit, on avait une coupe là, je me manque les noms là, même, c'est pas grave. Lessard, Fréchette. Bon, Fréchette à la défense, t'as Fréchette, la montagne qui rentre, donc ça va être intéressant à suivre ça. Les buts chez les Patriotes, bon ben, le sommaire dans le fond. Charland encore, donc, grosse fin de semaine Charland, je vous parle de ça dans quelques secondes. Son 14e de la saison, à des aides à Demers et Breton. Donc, le trio Charland-Demers-Breton qui fonctionne très, très fort présentement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Depuis qu'on... Étienne Bellavance-Martin a été mis sur le deuxième avec... j'ai un blé. Blé. Donc, blanc-blé. Blanc-blé, oui. Non, moi, blanc, lui, blé. En deuxième période, c'est Caparone qui est Ciparone. En tout cas, italien. Il y a un non-vendeur. Il y a un non-vendeur. J'ai le goût d'y acheter du pain. Qui fait son quatrième de la saison des Alphas des Aides à Self et Caruana. C'est en avantage numérique. Troisième période, c'est Chiquan, Guillaume Chiquan, qui fait son quatrième de la saison pour le défenseur. Une aide à Demers et Charland, donc deuxième aide pour Charland dans la partie. Et à 12 minutes 47 de la période, c'est Manley qui vient égaler la marque 2-2 plutôt. Une aide à Carey ou Carr, en tout cas. Et McLean à 12 minutes 47, comme j'ai dit. Donc, ça se transporte en prolongation. En prolongation, c'est Halstead qui fait gagner les Ravens. Une aide à Bérard là-dessus à 1 minute 48 de la période. Les aides, pas les aides, excuse, les étoiles. Pour une fois, non, là, c'est... Félicitations, merci les Ravens. Francis Charland obtient la première étoile, 2 points. C'est Andrew Self qui obtient la deuxième. Et Brett Halstead, la troisième, pour l'homme qui a marqué le but en prolongation. Donc, le congé des fêtes. Congé des fêtes qui commence du côté des Patriots. Comme on vient de dire, c'est pas la meilleure façon de finir ça. Les Patriots s'en vont en Europe en janvier, début janvier. Vraiment début, le premier deux là, environ. Là. Jouer quelques matchs contre la division Magnus, si je me trompe pas, ou la division 1 en France. Un calibre... Allez, Thierry Poudrier. Puis, oui, Thierry Poudrier, Tommy Lafontaine, je pense qu'il joue là aussi. Boutin. Boutin, si je me trompe pas. Oui. Donc, tu sais, c'est un calibre correct. On est fort fatigué. Des fois, ce genre de voyage-là vient vraiment resserrer les troupes. Il y a peut-être eu un petit abandon dernièrement là, là-dessus au niveau de l'effort parce que, regarde, les tirs, c'est pas convaincant. Là. Il y a une chance que JC Blanchard est dans les. A une bonne fiche présentement au niveau de la moyenne, tout ça. Vois-tu, JC a une moyenne d'efficacité de 9,18, une moyenne de but accordé de 2,49. Ça a monté de genre 0.07 en fin de semaine parce qu'il y a eu deux matchs à recevoir beaucoup de tirs. Là. Ouais, c'est ça. Donc une chance qu'il est là parce que sinon, gars, c'est pas les meilleures performances qu'on a vues chez les Patriots dernièrement. Non, moi j'ai confiance pour la deuxième. Ah, ouais, mais attends le retour. Un retour, les deux premiers matchs en revenant le 15 janvier, le premier match. C'est contre McGill, ça. Deux matchs en ligne contre McGill. Deux matchs en ligne contre McGill. Un local, un. Ça va décider la saison. Parce que si une équipe des deux. Si une des deux équipes qui échappe les deux matchs, elle est dans le trouble. Ah oui. Elle est très dans le trouble au niveau du premier rang de la section. Bon, les séries, c'est les séries, c'est tu vas à la guerre, puis vraiment. La défaite contre les Ravens, c'est correct. Je veux dire, ben c'est correct, c'est acceptable. C'est une bonne équipe, les Ravens, mais Nipissing, 4-2, puis de faire dominer ses shots, là. On les a plantés quoi, Nipissing, au début de la saison? 9-1, 8-1? Un bon score, en tout cas. C'est ça qu'on avait été voir ensemble, c'était pas mal à 9 buts. Ouais, 8-9 buts, 8-1 environ. Là. Ouais, Nipissing avait scoré le premier, après ça, c'était où? La débandade. Donc, dans la Ligue, les meilleurs marqueurs, bon, ben, c'est le représentant du QTR, Francis Charland, qui est le meneur. 17 buts, 17 matchs, 14 buts, 18 passes, 32 points. Fait de la deuxième semaine de fil, je pense, qui occupe le premier rang. Donc, Francis, le vétéran de deux saisons avec l'équipe de hockey, a connu une autre performance digne de mention, on vient d'en parler. Lui qui a participé à 5 des 6 buts des Patriots pendant le week-end, faut le faire. Bon, 3 passes contre Nipissing. Et samedi, bon, 2 points contre Carlton. Francis, bon, ben, il débute sa deuxième année en administration. Donc, félicitations à lui, le joueur, le patriote de la semaine. On a peut-être même des chances au joueur universitaire de la semaine, là, tant qu'à moi, au Québec plutôt. Ouais, le site marchait pas, mais. Ouais, j'ai rien vu, là. En tout cas, tu peux aller voir, là. Ouais. Mais il marche pas, Sport étudiant, ça, là. Le CIS marche pas. Non, on va voir sportétudiant.com. Okay. Le site. Ah, moi aussi, marchait pas, sportétudiant.com. Ben là, c'est peut-être juste votre internet qui marche pas. Non, il marchait pas chez nous, mais il marche pas ici, là. Donc, allons-y avec le classement. À date, c'est dans l'Ouest, c'est Western qui est toujours premier. 14 victoires, 2 défaites, 0 match nul pour une fiche de 28 points. Laurier vient deuxième avec 25 points. Lakehead, troisième, 24 points. Et dans l'Est, c'est Lucteur toujours premier. 14 victoires, 2 défaites, 1 match nul. McGill, a enregistré 2 victoires cette fin de semaine. 12 victoires, 2 défaites, 24 points. Donc, c'est chaud. 3 mains en match pour... 3 matchs en main plutôt pour McGill. Ouais, hein, c'est différent. 3 de main en match. Doivent les remporter tous pour venir dépasser les Patriots. Donc, c'est une très bonne rivalité. Ça va être vraiment excellent à suivre pour le reste de la saison. En troisième position, justement, les Ravens de Carlton qui, avec leur victoire, tombent avec une fiche de 9-6 et 2 pour 20 points. Eux qui, comme je dis, c'est pas une mauvaise équipe, mais il a mis. Supposé de te présenter de même contre les Ravens. Et dernière position, Concordia qui a encore remporté une partie cette fin de semaine. Donc, ça va mieux pour Concordia. Ça s'améliore. Ils ne feront pas une série, mais ça s'améliore. C'est, on est loin de 1 et 10 comme c'était. C'est pas le joueur de la semaine finalement, c'est Francis Véropol. Ah, le représentant de McGill. Oui. Faites quoi un peu, tu sais-tu? Faites quoi comme fin de semaine? Francis Véropol avec McGill? Parce que Francis... Ils ont gagné 7-0 puis 8-5. Oui, bon, des scores de même, ça l'aide. 7 points en fin de semaine. 7 points en fin de semaine. Ouais, si tu vois que le ratio but, le ratio point par but, Charlin aurait dû être là. L'ancien des Saguenay-Chicoutimi, Francis. Oui, Francis. Ouais. Il y avait Véroville dans le temps, dans les coins, dans un des coins de la patinoire. Donc, quelqu'un qui était très aimé à Chicoutimi. D'ailleurs, Francis Véropol, il marque 3e marqueur de la Ligue présentement. Soyez pas étonné s'il tombe premier. 13 matchs, 15 points. 13 matchs, 15 buts, 13-6, 28 points. Il y a plus qu'un but par match. C'est plus qu'un but par match. Puis, bon, vois-tu, on disait qu'ils ont 3 matchs. Il a manqué un match. Là. 3 matchs à moins. D'après moi, en 3 matchs, il est capable de faire 4 points, 5 points. Facile. Donc, il va prendre l'avance sur Charlin. Véropol, en plus, pas le gars de but discipliné. 63 minutes de pénalité depuis le début de la saison. Un joueur complet. Un joueur capable de sortir les épaules. Le top 10, de la semaine. Bon, c'est de la dernière semaine, ça compte pas la défaite contre Carlton. C'est UNB, toujours premier, Université du Nouveau-Brunswick, le gros programme des Reds. Ça ne dérouge pas, Alberta deuxième. Western qui est en montée vraiment constante, plus particulièrement depuis qu'ils ont défait les Patriots, ça leur a fait monter en troisième position. Et Cadia vient en quatrième position. UQTR, McGill, Manitoba, Lakehead, St. Mary's et Wilfrid Laurier ferment la marche. Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriots. On va aller à une pause. Au retour de la pause, c'est Pierre-Luc. Tu vas nous parler hockey junior majeur. Bien sûr. On parle d'équipe Canada junior qui ont fait le choix des invités le championnat mondial. Parfait. Donc, on se passe ça. On vous revoit dans 3-4 minutes environ. Attention. Le format de l'émission qui suit peut induire des troubles du sommeil et ou une perte partielle d'audition. Le jugement averti des auditeurs est conseillé. CTR, l'émission Trance aux influences psychédéliques et progressives, est diffusée tous les mercredis soirs à partir de 23h sur les ondes de CFOU. En compagnie de Pierre-Olivier Champagne, venez découvrir ce genre underground au son éclectique. Soyez donc du voyage pour entendre des remixes percutants, les nouveautés ainsi que les classiques du genre trance psychédélique. CTR, tous les mercredis dès 23h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Phonolite et Psychonautes présentent Soma, un jour de l'an hors du commun. Trois salles, dubstep, psytrance et techno-électro. De 22h à midi, viens défoncer l'année avec les meilleurs DJ, dont Azak Syndrome, d'Israël, FM Radio God, Hydra, Tapwater, pour ne nommer que ceux-là. Trois salles, trois ambiances, Forward Music Room, Attitude Room, Vision Room. DJ invité. Billets disponibles chez Psychonaut et sur l'infoligne 514-573-6089. Soma, l'événement de l'année. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Vandal, vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. in chains. I've been here now for most of my life. To hear the 59 sound coming through a Grandfather's radio. To hear the rattling chains in the hospital walls. Did you hear the old gospel choir when they came to carry you over? Did you hear your veteran song one last time? And I wonder, were you scared when the metal hit the glass? See, I was playing a show down the road when the spirit left your body. And it told me on the front lawn, I'm sorry I couldn't go. But I still know the song and the words and her name and the reasons. And I know cause we were kids and we used to hang. And I know cause we were kids and we used to hang. Do you hear the 59 sound coming through a grandfather's radio? Did you hear the rattling chains in the hospital walls? Did you hear the old gospel choir when they came to carry you over? Did you hear your veteran song one last time? Young boys, young girls, young boys, young girls, young men supposed to die on a Saturday night. Et c'était The Gaslight Anthem avec The 59 Sound, une demande spéciale de François-Olivier Marchand, notre directeur de pub. Et la douce voix que vous entendez, c'était Sébastien Pou qui toussait dans le micro. Désolé. Dans le micro 4. H-E-N-R. C'est pas mal fini, on n'en parle plus. La tendresse a été changée, c'est vrai. On a changé de sujet. C'est comme la... c'était la ligne à franchir pour que tout revienne correct. Ouais. Fallait qu'il y ait un échange à Montréal. Donc, et voilà, on n'en parle plus. Allons-y avec le hockey junior majeur. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Tout d'abord, Hockey Canada Junior ont fait les choix des 36 joueurs qui seront invités au camp de sélection durant le temps des fêtes. Donc, le camp se passe du 12 au 16 décembre. Cette année, c'est à Regina, en Saskatchewan. Donc, il y a 10 joueurs qui ont été invités cette année de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Et c'est depuis 2000 qu'on n'avait pas vu autant de joueurs invités au camp, alors qu'il y avait eu 12 joueurs de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec qui avaient été invités et 8 avaient participé au tournoi. Oui. Et c'était sous les ordres de Claude Julien en 2000. Et ils avaient emporté la médaille de bronze, d'ailleurs. Les seules fois qu'il y a autant de Québécois que ça, d'habitude, ou du moins de joueurs de Hockey Junior Majeur, c'est quand c'est un coach québécois, justement. Ouais, mais cette année, l'assistant, on a toujours des assistants québécois. C'est ça, c'est la première fois que vraiment... C'est Willy Desjardins. C'est Willy Desjardins, ouais. Mais pour ceux qui ne savent pas, Willy Desjardins, coach à Médecinat, c'est un gars du gars de l'Ouest, là. C'est ça, c'est un gars de... Ouais. Saskatchewan, si tu le dis, là, je te fais confiance. Ouais, il est écrit dans ma face. OK, bon, merci. Cool. Donc, traite dans ta face ou genre sur l'ordinateur qui est dans ta face? C'est écrit sur l'ordi dans ma face. C'est bon, j'en prends une note. Donc, si on regarde ça, 12 joueurs en 2000 avaient été invités, 8 avaient participé cette année. Sur 10 joueurs, on devrait peut-être avoir 6-7 membres de l'équipe Canada Junior. Donc, ça serait encore une fois excellent. Qui a le plus de chance selon toi? Qui a le plus de chance? Moi, je vois Patrice Cormier est à une place assurée puisqu'on l'a fait l'an dernier. Jake Allen. On a Jordan Caron est d'après moi assurément et Philippe Cornette. Donc, on aurait le droit à 3 C pour l'équipe Canada Junior. Et donc, ce serait trois anciens de l'Océanique de Rimouski. Donc, je pense que dans le bas du Saint-Laurent, on vivrait vraiment une belle fièvre du Hockey Canada Junior avec un ancien joueur de l'an dernier. Leur premier trio, dans le fond, de l'an dernier. Je pense pas que Jake Allen pourrait être... On n'était pas encore rendu là. Jake Allen, c'est d'après moi une source sûre. Pascal Partant ou sûr. Pour la chose. Donc, l'autre gardien qui a été invité, Olivier Roy, d'après moi, sera pas pris cette année. Si on va du côté des défenseurs, donc on a Marco Scandella, des Foreurs, Nicolas Deslauriers, des Huskies et Brandon Gormley, des Wildcats. Selon moi, le seul défenseur, parce que cette année, il y a quand même déjà, je crois, 3-4 défenseurs. Noms, ouais, c'est des gros noms. Puis on a déjà 3-4 défenseurs qui reviennent de l'an dernier. Je pense 3 exactement. Petriangelo, Tubert, puis Ellis. C'est ça. Donc, si on regarde ça, c'est plus difficile. Marco Scandella devrait peut-être se trouver une place dans l'équipe. Là. C'est un excellent défenseur. Puis d'après moi, Deslauriers, peut-être l'année prochaine. Non, c'est ça. Peut-être l'année prochaine. Seulement 6 pieds. Si on regarde comparativement aux autres, c'est des gros bonhommes. 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 2 joueurs de 6 pieds 5 qui ont été invités aussi. Le seul qui est petit, c'est Ryan Ellis, mais on a vu ce qu'il a fait l'année passée en avantage numérique. C'est ça. Donc, du côté des attaquants, maintenant, on a Luc Adam des Screaming Eagles du Cap-Breton, Patrice Cormier, comme j'en ai parlé, Jordan Caron, Philippe Cornette. On a aussi Gabriel Bourque du Drakkar de Baie-Comeau qui, cette année, connaît une excellente saison. D'après moi, dans les attaquants, Luc Adam devrait être aussi présent à Regina le 26 décembre. Et Cormier, Caron et Cornette, d'après moi, sont pris. Et il y en a beaucoup qui disent que Philippe Cornette ne savent pas trop s'il va pouvoir participer. Nicolas, je pense que tu es un de ceux-là. Ouais, moi, je pense pas. Là, moi, la raison pourquoi je pense qu'il va être pris, c'est qu'il joue quand même pour André Tourigny, qui est un des assistants entraîneurs. Donc, ça peut jouer dans la balance. Et ça peut désavantager en même temps. Ça peut désavantager, mais d'après moi, avec Caron et Cormier, un trio qui était ensemble l'an dernier, je pense que ça les autres noms qui sont là aussi, c'est assez impressionnant. Je te dirais que. Et à la Super Série Subway, en passant, les trois ont joué ensemble et ça a été. Ça serait une des seules raisons pourquoi ils vont le garder. Ouais. Ça va être pour garder le trio, pour avoir un trio d'impact déjà qui savent comment jouer ensemble. C'est ça, qui ont déjà joué ensemble, etc. Puis je pense qu'à la Super Série Subway, là, ils ont été excellents les trois ensemble là, contre la Russie. Donc, c'est pourquoi ce serait un de mes choix. Donc, comme je vous ai dit, le camp se mettra en branle le 12 décembre. Le premier match sera le 26 décembre contre la Lettonie. On parle maintenant des Cataractes. La puissance lettonne. Eux, ils m'étonnent, la Lettonie. Oh! Il est là encore cette semaine. Ah ouais, écoute. Il en manque pas une. Non. Donc, on se transporte du côté des Cataractes qui avaient trois matchs cette semaine. Donc, tout d'abord, premier match mercredi dernier, on affronterait les Voltigeurs de Drummondville au Centre Marcel Dionne. Et non, ça n'a pas été. Ça a été un match très, très serré. Ça s'est terminé par la marque de 6-5 pour nos Cataractes. Donc, grosse victoire importante là, sur. Contre une équipe de leur section. Oui, contre une équipe de leur section, une équipe qui trône en ce moment au sommet de la section, justement. Donc, et à un certain moment donné, on perdait 5-3 en deuxième période, mais remonté de 3 buts en troisième période, ce qui amène les Cataractes à une victoire de 6-5. Du côté des buteurs, Dave Labrec, 2 buts. Charles-Olivier Roussel aussi, 2 buts dans la victoire. Excellent, 2 buts en avantage numérique. Donc, on voit que la puissance de l'avantage numérique des Cataractes va très bien. On va en reparler un petit peu plus tard. On va en parler tantôt, exactement. Je pense qu'on a en masse de jus là-dessus. Je te dirais que les Cataractes savent comment jouer Drummondville. Ouais. Vraiment savent comment les jouer. Ça paraît, ça a été pareil dimanche aussi. Donc, ouais. Ben, je pense que ils l'ont encore un peu... Ils l'ont sur le cœur, la défaite l'an dernier, là, en 7 matchs là, de la finale. Je pense que c'est certain qu'on garde une amère déception face à cela. Donc, on va continuer. Michael Bournival, un but. Maxime Legault, c'est lui qui a le but gagnant à la fin du match. Donc, un but qui a fait la différence, comme on dit. Et du côté des Voltigeurs, les buteurs sont Sean Couturier, 2 buts. Gabriel Dumont, encore une fois, excellent, lui, avec 2 buts. Et Marc-Antoine Desnoyers, qui a un but en avantage numérique. Du côté des tirs, encore, les Cataractes ont même eu le défi du côté des tirs. 33-26 et 3-8 en avantage numérique. Donc, c'est excellent pour les Cataractes. 3 3 buts en 8 occasions, donc bravo. Dave Labrec, Pierre-Alexandre Vandal et Charles-Olivier Roussel ont chacun 3 points dans la victoire. Et Gabriel Girard méritait sa 10e victoire de la saison dans ce match. On passe maintenant à vendredi, alors qu'on s'en allait beaucoup plus loin du côté de la Côte-Nord. Dans le trou. Parlant des raccords de Bécomo, petite nouvelle, ils ont confié l'équipe à un mandat de comité de relance qui est formé de gestionnaires de la région. Donc, ça va pas bien du côté de Bécomo. On a un petit problème d'argent. Donc, on met ça du côté d'un comité de relance. Ce sont tous des bénévoles qui veulent, dans le fond, que le Drakkar reste à Bécomo. Donc, une bonne nouvelle pour le Drakkar qui en arrache un peu là, avec les foules. C'est peut-être la bonne chose à faire parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas juste au niveau de la foule, ça semble vraiment être un problème de marketing très solide au niveau de la communauté où est-ce c'est que ça. Les gens se sentent pas. Ça serait plate de perdre une équipe, la seule équipe de la Côte-Nord, là, dans le nord du Québec. Ouais. Donc, ça serait plate de perdre cette équipe-là quand même. Ils appellent ça la Côte-Nord, mais c'est à l'est du Québec, la Côte-Nord. Ouais, mais c'est un petit peu plus dans le nord, donc c'est pour ça que c'est la Côte-Nord. Je sais, mais c'est à l'est, genre, mais c'est la Côte-Nord du fleuve, dans le fond. Ouais, mais c'est faut ça. Que tu dises est. Ben, mais moi, je comprends ton point. Nord-est. Côte-Nord-est. La Côte-Nord-est. La Côte-Nord-est. Nord-est côtier. Oui. Savez-vous, en pensant que Bécomo est la plus grande municipalité d'Amérique? Ah ouais, mmh. Ouais, c'est ouais. Très au niveau territoire, là, pas au niveau monde. Au niveau municipalité. Au niveau aussi. Non mais au niveau ouais, mais au niveau grosseur, non, grosseur de territoire, c'est okay. Ça monte haut le Bécomo ouais. Là. Ah, il y a du sapin puis des épinettes en masse. Beaucoup d'Amérindiens dans le coin ouais, aussi ouais. Fait, c'est vrai ça. Donc, ouais. Ça va pas au hockey, les Amérindiens. Ah, c'est des ben, grands oui, fans de hockey. Ben oui, ben oui. Ouais. Hey, oh, tu te rappelles pas, Francis Véropol est Amérindien. Ouais, ben on a ouais, Carey Price aussi qui est Indien, mais ouais, plus un Indien de l'Ouest ouais, canadien. Quand il y a des tournois de hockey, puis tu vois des tonnes de pick-up dans Proches Arena. Ici, là, m'a dit, ici, je joue au hockey libre à Trois-Rivières des fois. je peux te dire, c'est arrivé très souvent. Qu'il y avait des gens, j'imagine qu'ils viennent de la réserve de Wolignac, mais vraiment des Amérindiens qui viennent jouer au hockey, puis ils sont bons. Ah, Steinberg, ils sont bons. Ben, mais on en avait moi. À Joliette. Ben, ben, c'était, ouais. C'était des. C'était ouais. Même des. Ouais, ben, gars, à Kanawhake. J'ai rien contre les Amérindiens. Non, non, mais on n'a pas dit ça. À Kanawhake, vraiment, ça marche fort, le hockey à Kanawhake. Très violent, par contre, très, très. On voit des chums qui ont joué Junior 3 là. Les Condors, là-bas, ouais. Ouais, ça doit pas être doux. Ben, les gars ont un beau caractère, ouais, mettons. Donc, match à Bécomo. Wow, ben pas wow, plutôt Arc. Arc, mais ça a pas bien été. On va mettre ça sur la faute à Nathan Dunnett qui a fait 37 arrêts dans le match. Défaite amère des Cataractes, 2-0. On était rendu à 6 victoires de suite. Malheureusement, on a pu continuer sur notre belle séquence. Et c'est vraiment Nathan Dunnett qui a fait le résultat du match. 37 arrêts dans le match. Ils ont quand même dominé 37-19 dans les tirs, les Cataractes. Mais c'est vraiment Dunnett qui a fait la différence. Et le deuxième gardien des Cataractes, François Lacerte, n'a pu faire autant. Lui qui méritait une troisième défaite cette saison. Donc, Dunnett, un ancien gardien des Tigres de Victoriaville l'an dernier, là, a excellé durant ce match. Et d'ailleurs, le joueur de la semaine défensif. Ah, c'est bon. Donc, il n'a pas été là pour rien. C'est ça. Donc, on va aller écouter les commentaires d'Éric Veilleux oui? Suite à cette décevante défaite. On se demandait si... ces joueurs étaient responsables. Nico qui s'est rendu à Bécomo. Non, Nico qui a posé la question dimanche après-midi à Éric Veilleux. Donc, on va aller écouter ça. Décevant d'avoir perdu, d'avoir échappé les deux points à Bécomo dans ce contexte-là. C'est de la semaine, là, d'avoir battu. Non, c'est pas décevant. Là. Regarde, on s'est buté un Danet en forme. Là. On a eu quand même nos chances de marquer. Puis on n'a pas joué un méchant match. C'est certain qu'en première et deuxième, là-bas, peut-être pas joué comme. 300 000 à l'heure, sauf qu'on a assez bien joué pour gagner le match là-bas. Là. C'est juste pas arrivé. Là. C'est pas une question où que les gars ont été paresseux ou c'est loin de là. Là. C'est pas le cas pour tout. Là. Donc, Éric Veilleux qui disait justement que, bon, ben, ils ont essayé, ça a juste pas marché. Ils ont bien ouais, c'est ça. Je pense que le gardien de but a fait une grosse part du gâteau. Donc, on continue maintenant sur le match des Tigres. tu nous gardes la finale du dimanche. Ouais, je vous garde le match Shawinigan-Drummondville pour la finale de ta chronique. De ma chronique, c'est en plein ça. Donc, on continue avec les Tigres qui avaient en 3 matchs cette semaine, 3 matchs à domicile. Donc, eux qui avaient quand même une séquence de 7 matchs à domicile à jouer en étaient à leur 4, 5 et 6e match à domicile de suite. Et ça va bien pour les Tigres quand même. Seulement le premier match, mercredi, on a eu plus de difficultés. On joue contre l'Océanique de Rimouski qui ont un excellent club dans les temps qui courent. Ouais, Patrice Cormier et Jordan Caron sont surexploités. Encore une fois à Québec cette fin de semaine, ils ont joué au Colisée Pepsi. Et écoute, Caron et Cormier tout le temps sur la glace. Depuis tout que Caron est revenu, ils ne lâchent pas. Non, c'est ça. C'est Caron et Cormier c'est, font l'équipe à deux. Ça paraît sur le classement aussi. Ça paraît sur le classement. Écoute, on s'attendait à avoir... L'Océanique qui est probablement dans, difficilement à se tailler une place en série. Finalement, on est en milieu de peloton puis on se bat même pour le premier rang de la section avec les Remparts. Donc, c'est excellent. Donc, victoire de l'Océanique 4-3 en prolongation. Donc, les Tigres vont quand même chercher un point dans ce match. Mais quand même, on peut donner crédit aux joueurs des Tigres qui ont remonté la pente. On perdait 3-1 après la deuxième période. On est allé chercher 2 buts en troisième période pour finalement s'incliner en prolongation sur un but de Guillaume Gleason Fournier. Donc, on va quand même chercher un point qui pourrait être important à la fin de la saison. Donc, les buteurs du côté de l'Océanique, Jordan Caron, Jakub Kulek et Peter Straka, qui est un excellent joueur, Straka, cette fin de semaine, encore une fois, l'a prouvé. Ouais, quand je l'avais vu à Drummondville, j'avais dit c'était début de saison, c'était dans les premiers matchs. Il jouait avec Kulek. Ouais, c'est ça. Puis, t'as quand même, justement, là, on voyait que quand il allait être... rapide. Établi. Il y avait le nom vendeur de joueurs. C'est mais ça, vendeur. Déjà, c'était il y a le nom de Straka, sauf qu'il y a le talent aussi de Straka. Il y a le nom de Peter aussi. Peter Nedved, Martin Straka, Peter Stachny. Il y en a des Peter. Peter. Très important de dire avec l'accent. Peter Fosberg. Fosberg. Toi, le premier Peter qui t'est venu à la tête, c'est Peter Nedved? Ouais. J'avoue que c'était pas excellent. Non, c'était pas le meilleur pétard qu'il pouvait avoir. Oh, Peter's Bobuda. Ah, ben ouais, moi, ouais. C'est Peter Popovich. Popovich. Donc, d'ailleurs, ce Peter Straka a été la première étoile du match avec le but, égalisateur. Donc, c'est Philippe Tremblay qui a obtenu une 5e victoire cette saison et Mastro Pietro, c'est lui qui était devant les buts pour les Tigres, a obtenu une 4e défaite cette saison. Mastro Pietro qui conserve quand même une bonne fiche de 6 victoires, 4 défaites cette saison. On se transporte toujours vendredi, cette fois contre les Foreurs. Les Foreurs qui sont toujours privés de leurs 3 meilleurs joueurs cette saison. Donc, les Foreurs qui ne mènent pas loin. Cette saison, on en a parlé justement la semaine dernière. Les Tigres qui l'ont facilement emporté, qu'on peut dire. Quand même, c'était 3-0 après 2 périodes. Finalement, les Foreurs ont quand même réussi à venir compter 2 buts en 3e période. Philippe Dano, Travis McIsaac et Thomas Kubalik sont les buteurs du côté des Tigres. C'est Kevin Poulin qui méritait la victoire cette fois-ci. Une 15e victoire déjà cette saison pour notre excellent Kevin Poulin. Il n'a pas été très menacé, par exemple. Non, seulement 13 tirs, c'est pas beaucoup. 13 tirs, donc 11 arrêts dans le match, c'est pas beaucoup. Hein? On voit que les Foreurs, ils n'arrachent. Ouais. C'est le cas de le dire, on arrache en salle. On se rend maintenant dimanche, c'était contre les Saguenayens de Chicoutimi. Victoire facile, le jeu blanc pour Kevin Poulin, une 16e victoire cette saison. Joël Chouinard, Thomas Kibalik et Maxime Lamarche sont les buteurs. Maxime Lamarche qui a 3 points dans la victoire, donc a participé aux 3 buts de son équipe, a été d'ailleurs la première étoile du match. Kevin Poulin est la 2e étoile avec 21 arrêts. C'est un autre jeu blanc pour lui cette saison. Félicitations à Kevin Poulin qui excelle et ça va bien du côté là, des Tigres, comme on dit, 2 victoires en 3 matchs. Et on s'approche tranquillement pas vite des Voltigeurs qui, eux, régressent, on dirait, en milieu de saison. Je dirais qu'ils s'approchent plus vite que tranquillement. Ouais, plus vite, je te dirais. Ça va bien au Canadien des Jardins. Ouais. Voltigeurs de Drummondville affrontaient l'Océanique de Rimouski à leur tour, c'est ce samedi. Les Voltigeurs qui l'ont emporté facilement par la marque de 6-1. Je crois que l'Océanique, on avait quand même 3 matchs en 3 jours. Ouais, ça, c'était leur deuxième. 4 matchs, en fait, cette semaine. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 matchs en 3 jours. Ça, c'était leur deuxième. Mais c'est quand même une grosse tâche là, pour une équipe. On s'est beaucoup promené. On est allé de Shawinigan à Drummondville à Québec. Donc, c'est ça. Puis, on l'a remporté. On est allé en fusillade contre les Remparts quand même dimanche. Ouais. Donc, pour un troisième match en 3 soirs, ça a été excellent. Par contre, ce match-là, ça a été plus différent. Je vous dirais que peut-être que les canons des Voltigeurs se sont réveillés. Sean Couturier, 2 buts. Benjamin Larrabie, Jonathan Brunet, Gabriel Dumont et Andrew Randazzo sont les buteurs. On a quand même 2 buts sur 5 avantages numériques. Donc, c'est quand même une bonne moyenne. Et c'est Antoine Tardif qui méritait la victoire. Dernier match maintenant de la fin de semaine, si on peut dire. Voltigeur, Cataract, deuxième affrontement de la fin de semaine entre ces deux équipes. Et Nicolas, tu y étais présent. Oui. Donc, tu as assisté, je pense, un très bon match de l'avantage numérique des Cataractes de Shawinigan. Très bon match de la part des Cataractes, eux qui montrent, je trouve, beaucoup de caractère quand vient le temps. On a perdu 2 fois, comme on l'a perdu. Excuse-moi. 2 fois dans la semaine contre Drummondville, on perdait par 2 buts, c'est-à-dire mercredi dernier, et en fin de semaine, ça a été remonté. Les notes pour la partie, Frédéric Piché était dans les buts pour les Voltigeurs. C'était peut-être pas la meilleure idée contre une équipe hot de même, non, hein? Contre les Cataractes. Probablement que Tardif était fatigué de sa fin de semaine, comme on avait parlé. Aussi, Michael Claflin jouait pas pour Shawinigan. Selon Éric Veilleux, il nous a dit qu'il y avait des choses à améliorer dans son jeu défensif, tout ça. Je l'ai vu après. Simplement, je pense qu'il n'avait pas joué un bon match contre Drummondville mercredi ou vendredi, mais je pense qu'il a été enrayé de l'alignement justement à cause exactement. De ça. Il était rayé, par contre, moi je l'ai vu marcher, je trouvais qu'il boitait. Fait que je dis ça de même. Bon. C'est-tu donné une raison ou c'est. Nous, bon. C'est la version qu'on a eue. On n'a pas parlé avec M. Claffé, mais on trouvait tout qu'il boitait. Fait que justement, les buts, première période, Drummondville, écoute, en échappée tout de suite, ça commence fort. Il y a 6 minutes 9 de fait. C'est Mathieu Milicé qui marque son 5e de la saison avec Benoît Lévesque. 2-0 Drummond, c'est un très mauvais but accordé par Gabriel Girard qui n'a pas eu sa meilleure partie encore une fois. C'est Alexandre Comtois avec une aide à Benjamin Larrabie. Donc, Shawinigan revient fort à 12 minutes 50. C'est un double avantage numérique pour les Cats qui en profitent. Philippe Paradis qui réduit l'écart avec un but sur un retour de lancer de Pierre-Alexandre Vandal. Donc, une passe va aussi à Dave Labrec. En avantage numérique, ça se continue à 14-18, donc 1 minute 20 plus tard environ. C'est Vandal qui vient faire son 16e de la saison, des aides à Charles-Hervier-Roussel et Philippe Paradis en avantage numérique. Donc, c'est le plus ou moins la continuité du même avantage numérique qui s'était continué. Il restait une seconde à la c'était un double avantage, il restait une seconde à la première période parce qu'il y a eu sa première pénalité quand le premier but était compté. Donc, ça coûte cher. 14-13 les tirs en première période en faveur de Shawinigan. Donc, quand même serré. En deuxième période, c'est 3-2. Drummondville vient de compter. C'est Andrew Randazzo à 7 minutes 17 sans aide. Girard, encore une fois, qui n'a pas très bien paru sur le filet. J'ai pas trouvé que c'était une très bonne période de la deuxième de la part de Shawinigan. J'ai vu mieux que ça. Par contre, à 11-29, c'est Dave Labrec qui réussit à égaler la marque après un retour de tir de Frédéric Piché. Un retour de tir plutôt de Michael Bournival pour déjouer Frédéric Piché. Une aide aussi à Maxime Legault sur le jeu. 4-3 Shawinigan à 15 minutes 31. Philippe Paradis, encore lui qui s'inscrit à la marque. Écoute, c'est encore un peu un avantage numérique. L'indiscipline coûte très cher aux Voltigeurs. Paradis manque totalement son tir, ce qui fait que le gardien est tombé mal positionné parce qu'il a manqué son tir. Un but digne de Guillaume Latendresse. Donc, c'était pas très bonne première demi-période pour les Cataractes. Ça s'est amélioré. Les Voltigeurs, il faut vraiment qu'ils fassent un meilleur travail de s'adapter à la façon de jouer des Voltigeurs. Ouais, ouais. 11-8. Des cataractes, exactement. 11-8 les tirs dans la période. Troisième période, Shawinigan font 5-3. C'est Pierre-Éric Martel qui marque une aide à Tommy Tremblay. Donc, avec un tir au-dessus de l'épaule. Et pour finir ça, ben comme il faut, c'est l'avantage numérique qui vient faire mal aux Voltigeurs qui leur donne une bonne bine d'un rein. C'est Pierre-Alexandre Vandal qui prend un retour de tir de Dave Labrec, le tir qui avait touché la barre transversale pour faire 6-3. L'exécution, vraiment, comme je disais, était meilleure de la part des Cataractes. Mmh. C'est vraiment ce que j'en tiens du match. Donc, avantage numérique 4 en 5 exactement. Pour les Cataractes. C'est excellent. Ça l'a paru énormément. Et comme je disais, les Cats savent comment jouer les Volts. Ça paraît. Surtout un avantage numérique. La Fée qui est normalement sur l'avantage numérique, qui ne jouait pas. Dave Labrecque, par contre, à la pointe, a une très bonne vision de jeu, très bon tir. Donc, ça l'a paru. Le tir final, 32-29 en faveur de Shawinigan. Donc, on va aller écouter les commentaires de Mario Duhamel, l'entraîneur des Voltigeurs de Drummondville, suite à cette partie contre à cette deuxième défaite face aux Cataractes cette fin de semaine. Exactement. non, ok. Attends, avant ça, là, on va aller écouter les commentaires de Philippe Paradis, le joueur qui, je trouve, joue très, très mieux depuis un petit bout. Ouais, ça va bien pour Paradis, c'est vrai. Pour les Cataractes. Il y avait une blessure au début de l'année aussi, peut-être qu'il comprend. On a besoin de sa contribution si on va aller loin pour les Cataractes. Exactement. Donc, on va aller écouter ses commentaires suite à cette victoire. T'as-tu changé des choses à ta façon de faire pour que ça aille mieux, Adam? Moi, je suis revenu pas mal à la base. Tu sais, vraiment fait les affaires simples puis tout, là, puis ça a bien été là-dessus, là. Je pense que les jeux des Leafs ont eu de bons commentaires cette semaine quand il a dit que les Leafs n'ont pas des joueurs dans ton style beaucoup dans l'organisation. Ça, c'est un gros plus, une belle motivation. Ouais, ben j'ai eu une discussion avec eux autres, puis c'est vraiment une discussion positive, là, plus qu'avec les Caroline, je suis content de ça pas mal. Ça va pour le mieux avec Maple Leaf. Merci, Jean. Merci. Donc, Philippe qui en parlait, justement, a été échangé au Maple Leaf cette semaine. Lui qui appartenait à Caroline. En retour de Jiří Tuzitý, qui est un joueur... Un choix de première ronde. Un choix de première ronde de Toronto, mais que... Bon, son développement est vraiment mauvais. Oui, c'est moyen. Sauf qu'il est déjà prêt à jouer. Les Hurricanes, on voit qu'ils ont de la misère. Ils ont besoin d'un joueur qui pourrait déjà les aider. Paradis, c'est encore un projet pour 3-4 ans. Il faut qu'il aille jouer un peu les games Hurricanes, sûrement après prendre du poids, etc. Pour ça que Paradis a peut-être plus de chances de percer à Toronto plus tard. Ça. Exactement. Donc, on va l'applaudir avant de le luer, comme on dit. Oui, exactement. Jean Shawinigan, donnez-y présentement les applaudissements, vous allez le huer tantôt. Alors écoutez les commentaires de Mario Duhamel aussi suite à cette défaite de 6-3 des Voltigeurs. Côté spécial, comment est la différence ce soir? Ouais, c'est sûr que c'est un des facteurs, mais je pense que le meilleur joueur était meilleur que les nôtres. Puis on remportait plus de batailles le long des bandes que nous autres. Ils ont eu du succès les deux derniers matchs en powerplay comme vous autres. Y a-t-il quelque chose qu'ils font que les autres clubs ne font pas? Ben, s'ils le font, je ne dirais pas qu'est-ce qu'ils font, là, parce que les autres clubs vont le savoir. Mais définitivement, il faut remédier à ça. Mais il faut quand même signaler là, que c'est ça par rapport avec le piqué, mais notre troisième, quatrième trio a fait la job ce soir. Des gars comme Payette à défense avec Hutt et Randazzo ont fait le travail. Je pense que les autres n'ont rien à se reprocher. Et c'était les commentaires de Mario Duhamel. Maintenant, pourquoi pas aller écouter les commentaires de Coach Veilleux, l'entraîneur des Cataractes, suite à la victoire. Beaucoup de caractère aussi, quand même, là, de la part des gars, quand justement de revenir 2-0 et de revenir continuer à travailler tout le long. Oui. Oui, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas. Je pense que les power play a fait la différence, c'est certain. On a eu beaucoup d'autres chances de marquer, je pense, en tout cas. Là. Je pense, je suis pas certain. Je pense qu'on avait peut-être combien après 2, là, 16, 17, qui est contre cette équipe-là, quand même pas si mal. Et on sait, on pense qu'on sait comment les jouer, en tout cas. Puis sans trop rien donner. C'est la clé. Et les gars, t'as fatigué un petit peu, là, je pense. Notre voyage à Bécamo, là. Tout demain, on a une journée de congé là, pour la plupart. Là, fait que ça va faire du bien. Donc, Éric Veilleux, ses commentaires sur cette belle victoire. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le junior majeur, Pierre-Luc? Ben écoute, dans le junior majeur, cette fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on va parler tout d'abord des Sea Dogs de Saint-Jean qui sont encore une fois sur leur lancée avec 20 victoires de suite. On est rendu à 20, donc on est rendu troisième dans le livre des records de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La prochaine étape, rejoindre les Olympiques de Hull de l'édition 1995-96. Eux qui ont 24 victoires. L'édition avec José Théodore, d'ailleurs, et un certain Claude Julien. Christian Dubé, David-Alexandre Bourgault, Peter Worrell. T'es bon, tu connais bien, tu connais mieux cette édition. Ben, j'avais juste Théodore. C'est parce que moi, j'étais un grand fan des Prédateurs de Grimby qui jouaient 20 minutes de contre chez les Olympiques en finale. Ces années-là, là, c'était la grosse, grosse rivalité. C'était bon, ça, par exemple. C'était bon. Granby contre Hall, là, c'était excellent. T'avais droit à des bagarres. Ouais. Moi, je prenais pour les Prédateurs aussi dans ce temps-là. Ah ouais. Ouais? Pas Québec? Non, ben, je prenais pour les Granby parce qu'ils avaient battu les Harfans de Beauport. Ok, ok, dans ce entre les deux. Fait que je voulais que ça soit les autres qui comptent. Ouais, on vous avait battu en finale, je pense. Ouais, la une des années. Il y avait battu les Harfans de Beauport. Puis là, je peux dire que j'étais présent même si j'étais petit dans ma petite arena. Ouais, à Beauport, dans le chac. Hein, Marcel Bédard. 2000 places maximum. Ah, regarde, c'était n'importe quoi. Ouais, je sais. C'était, mais même les bancs, c'était, on était assis sur du ciment. Là, donc, c'était pas des bancs assignés, etc. C'était vraiment. Génial pour les Hémorroïdes. Ouais. Un petit peu comme l'aréna de Saint-Hyacinthe. Non, Saint-Hyacinthe, il y a des places assignées. Okay. Une belle arena. C'est juste que. Défends-toi. C'est juste que c'est tout en bois. Fait que tu n'as pas de siège. Elle est si vieille que ça, l'aréna du cousin. 1938. C'est une disgrâce, cette arena-là. C'est pas croyable que ça tient encore. Bien, je l'ai dit. Donc, ils ont sorti le deuxième rapport aussi d'assistance dans la Ligue. On parle des Cataractes qui... je vous dirais que c'est excellent. C'est sûr qu'avec la construction du nouvel amphithéâtre, on n'a jamais vu autant une bonne moyenne que ça. 3098 personnes environ par match se présentent. Donc, c'est excellent pour une petite ville comme Shawinigan là, qui comporte pas... 10 000 personnes, je sais pas combien de personnes tu dois avoir. Shawinigan, c'est pas loin de 40 000. Là, 40 000, ouais. En tout cas, c'est excellent, amener 3 000 personnes dans. Ben, j'ai l'impression, avec tout le marketing agressif que les Shawinigan font. On voit des annonces à la télévision, à la radio. Il y a les environs qui y vont aussi, là, Mauricie. C'est ça que je m'allais dire, il y a beaucoup de monde de Trois-Rivières qui font le trajet. Quand je suis monté aller les voir dimanche, là, je me suis fait dépasser par 3-4 automobiles avec des gilets, des gilets, des stickers ou des drapeaux, des Cataractes. Donc, j'ai l'impression que les Trois-Rivières se déplacent plus. Puis, c'est ce qui fait mal aux Corongués. C'est vrai. Parce que si t'as la chance d'aller voir une game junior majeure dans un bel arena contre le Centre Vienesse ou d'aller voir de quoi ici à Trois-Rivières avec un beau poteau dans le visage, le choix est simple. Vrai. Choix est simple. Donc, si on regarde aussi dans le taux d'occupation, on remarque que les Tigres de Victoriaville sont au premier rang du taux d'occupation. C'est sûr que c'est une petite aréna à Victoriaville. Seulement 2316 personnes, 318 personnes peuvent aller là. Mais on a quand même un taux d'occupation de 97%. Donc, c'est excellent, même si on dit des fois que les foules sont pas très bonnes à Victoriaville en semaine. Bon, on a quand même un taux de pourcentage de 97%. Du côté des Drummondville aussi, ça va bien. On a quand même une aréna de 2874 et 96% le taux d'occupation. Donc, c'est excellent de leur côté. Si on regarde en moyenne par match les foules, du côté de Québec, bien sûr, 11122 personnes, qui est le double de toutes les équipes. C'est certain qu'on a une aréna qui est beaucoup plus grosse, mais je pense que les Remparts de Québec, c'est une grosse histoire de marketing, puis ça fonctionne bien là, du côté des Remparts. C'est une ville de 600 000 personnes aussi. C'est une ville qui n'a pas rien d'autre donc en hockey, donc je pense que c'est là-dessus qu'on se met beaucoup sur les Remparts. Si tu dis qu'il y a une moyenne de 3 000 personnes environ à Shawinigan pour une ville de 40 000, si tu fais fois 12, pour 12 fois, mettons 10 fois juste pour le calcul rapide, il y aurait 30 000 personnes au parti des Cataractes. Ouais, par contre, si on regarde du côté du Junior de Montréal, qui est une grosse ville, Montréal, pour compte 2835 personnes par match. Il y a du hockey partout. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? Il n'y a pas du hockey partout à Montréal, il y a le Canadien partout. Le Canadien, c'est ça. Le monde ne va pas voir le Junior parce que le Canadien joue. Le monde à Montréal, c'est la ville que personne ne me dise que Montréal est une ville de hockey. Montréal est une ville pour le Canadien de Montréal, c'est tout. C'est ça. C'est pas une ville de sport. Ne vit que pour les Canadiens. C'est une ville d'événements, puis de culture, puis de plateau. Donc, en deuxième place, Moussets d'Halifax sont quand même au dernier rang de la Ligue. Ils ont quand même une moyenne de 5288 personnes par match. Ensuite, c'est Moncton, Saint-John qui est quatrième. Eux qui ont quand même une grosse aréna d'environ 6000 personnes, je crois, exactement. Donc, Moncton? Donc, Saint-John. Ouais. Saint-John, 6000, Saint-John, c'est 6297 et on a quand même 3628 environ par match, ce qui est une hausse vraiment de leur côté. C'est sûr qu'avec la saison qu'on connaît, ça l'aide beaucoup. Rimouski est toujours au cinquième rang. Rimouski qui, fait des exploits incroyables cette année alors qu'on s'attendait peu d'eux autres. Donc, en moyenne, par partie, environ 3196 personnes se rendent par match dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est sûr que des équipes comme Acadie Batters et Baie-Comeau nous font baisser la moyenne, mais bon, on se reprend du côté de Québec et Halifax. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire quand même que du côté des équipes du centre du Québec, ça va bien dans le hockey junior. Puis on n'a pas de problème. Victoriaville, premier rang du taux d'occupation. Drummondville, deuxième rang du taux d'occupation. Et on regarde du côté de Shawinigan, ben, à cause du nouvel aréna, c'est en hausse aussi. Donc, on peut pas dire un mot là-dessus. Ça va bien du côté de nos équipes. Les joueurs de la semaine, on en a parlé un peu tantôt. Nathan Denette est le joueur défensif. Lui qui a remporté les trois victoires cette fin de semaine en trois matchs pour une équipe qui va pas loin, le Drakkar de Baie-Comeau. Lui qui a environ 35 tirs par rencontre, mais quand même qui est allé chercher des victoires face aux Cataractes et face aux Huskies la semaine dernière. Donc, trois victoires en trois matchs pour les Drakkar. Samson Mabod est le joueur offensif. Lui qui a 9 points en trois matchs. Lui qui aide d'ailleurs son équipe là, qui est allé chercher 8 victoires dans les 10 derniers matchs. Le Rocket de l'île du Prince-Édouard qui en ce moment est au deuxième rang de la section atlantique. Donc, ça va bien pour le Rocket. Et on prépare là un peu. Là, si... Exemple, on a regardé cette année tous les excellents joueurs comme du côté des Cataractes et du côté des Vultures. On a Mabod, on a Peterson, Hoffman, chacun de leur côté, comme on dit. Si on a regardé ces éléments-là cette année, ça aurait ressemblé à quoi? Oui, mais si on a regardé ces éléments-là cette année, peut-être qu'on ne serait pas rendu loin. C'est le principe du junior majeur, mais tu as des équipes qui, avec leur planification, réussissent pendant trois années à être hyper performant. On se rappelle des années 90. Les années 90, des Blazers avec la Moops. Trois fois de fil à la Coupe Memorial. Faut le faire, là, trois fois de fil à la Coupe Memorial. Là. Ça veut dire qu'il y avait des joueurs de... Darcy Tucker, qui étaient excellents aussi. Darcy Tucker, Nat Dominicali. Faut que tu comptes sur des joueurs de concession dans ce temps-là. Là. Un des habitués de la Coupe Strangler, justement. Puis, c'est déjà bon, je trouve, que les Voltigeurs et les Cataractes aient un bon club cette année. On soit capable de se défendre. Parce que si on regarde, exemple, l'Océanique de Rimouski, on se construit pour une année. Puis après ça, paf, on est mauvais pendant trois ans. Ouais. Donc, je pense que on a fait du bon travail du côté là, des deux directeurs généraux des Cataractes et des Voltigeurs. À la base, je pense que Drummondville était construit pour cette année, pas l'an passé. Donc, il me semble que c'est ça qu'il avait dit. Dinominico, d'ailleurs, c'est encore blessé. Là. On pourrait revoir venir en fin de saison. Ça pourrait être un élément de plus là, au Voltigeur de Drummondville. C'est pas étonnant de voir Drummondville se retrouver encore à Commemorial cette année. Par exemple, non. On sait jamais. Ouais, avec des Dominico, ça peut venir changer la donne. Ça, c'est clair. La Commemorial qui est disputée cette année à Brandon, les Wheat Kings qui reçoivent ça. Les White Kings. Wheat pour du blé. Les Huskies. Les Huskies aussi. Les Huskies, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour cette semaine, Nicolas. J'ai une petite nouvelle de dernière minute qui vient de tomber. Donc. Cody Olsen, le choix de repêchage. Ouais, ça dépend comment tu le prononces. Hudson. Mais il est dur, Cody Hudson. Hudson. Lui qui est repêché par le sénateur d'Ottawa qui était pour Team Canucks. Canada l'an dernier. Je me mélange avec l'autre. Qui s'est blessé l'an dernier au dos. Il n'a pas joué un match à date dans la Ligue de l'Ontario cette année. Ne pourra pas être au camp du Team Canada junior. Ça aurait été le capitaine, c'est sûr. Ça aurait été le capitaine probablement, un très joueur très important. Comme c'est parti pour l'instant, je doute qu'il fasse l'équipe. Ça sera Jordan Burley qui va prendre sa place. Oui, probablement. C'est lui le capitaine. Donc, ça vient de tomber. C'est plate pour lui, en tout cas. Ouais. Donc, on va aller une pause. On va aller écouter. On va aller une pause. On revient. On va avoir une petite chanson. Au retour de la pause, ça va être la revue de presse. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous aimez les nouvelles technologies, les gadgets, les sites web,

Et c'était Carlton Chrétien du groupe Mimi Van Der Glo. On y va avec la revue de presse tout immédiatement. Alors Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde sportif cette semaine? Il y a du stock en masse un matin. Vas-y, vas-y. Premièrement, on va commencer avec les estacades. C'est le challenge midget cette semaine. Les estacades jouaient leur match contre le lac Saint-Louis. Une victoire. Nicolas, il danse dans le studio. C'est très beau. C'est beau. Venez voir ça dans la vitre. On n'a pas de webcam, c'est dommage. Malheureusement. Une victoire des Estacades 5-4 contre le lac Saint-Louis. La victoire va à Bibeau. Julien Houle, un but, deux passes dans la partie. Le but à Max Saint-Cyr en fusillade. Mercredi, ils affrontaient Amos, une défaite de 7-1. Ils perdent pas souvent, mais quand ils perdent, c'est des méchants scores. Apple Bay à la défaite. Le seul but dans la partie de Pierre-Olivier Marcoux. Mais moi, c'est pas n'importe quel club non plus. Son deuxième de la Ligue au complet. Cette semaine, Trois-Rivières affronte Lévis. Trois-Rivières est toujours deuxième. Lévis les suit. C'est une partie encore importante. Le Caron est gay. Deux parties cette semaine. Une transaction en plus. Ouh! Avec Pont-Rouge qui sont derniers. Qui se retrouve à Trois-Rivières? Est-ce que ça serait Maxime Boisclair? Maxime Boisclair, l'ancien champion marqueur à Légion majeure du Québec, qui a eu des records. Ainsi que Martin Paquette. En retour, Éric Lavigne, Manuel Fréchette et Simon Nadeau se retrouvent à Pont-Rouge. Fréchette et Nadeau avaient demandé d'être échangés. Manuel Fréchette! All right! Hey, lui, c'était l'idole à cette diacène. Ah, ouais. 5 pieds 10, il se battait contre Brandon Sogdon qui a fait... Sogdon, il a signé en Europe hier. Ah ouais, c'est bien. Il a signé en Ligue de Russie. Il a pas le droit de se battre. En Russie, ils ont le droit. Simon, il n'était pas là pour rien. Il faisait 300 minutes de pénalité en KHL. Pis... Ils ont le droit de se battre dans le KHL? Oui, ça se bat. C'est violent. Ouais. All right. Fait que le Sogdon est là-bas. All right, je suis tout heureux. Les matchs maintenant. Une défaite de 9-7 contre le Saint-François de Sherbrooke. Une belle petite partie défensive. Ouais. En première période, Trois-Rivières prend les devants 3-0. Bocage, 3 points. La Liberté, 3 points. Et Rodrigue, 2 points en première période. Ensuite, 2 buts pour Sherbrooke en fin de période. 4-2 après une. En deuxième période, Bocage complète son tour de chapeau au début. Son 14e de la saison. 5 buts sans riposte de Sherbrooke par la suite. C'est 7-5 après deux périodes. En troisième période, 2 buts de chaque côté. Les buts pour Trois-Rivières, Labelle et Mandeville. 10 combats dans la partie. C'était une partie... offensive. Il y avait du stock à regarder dans la partie. Et Labelle, 42 minutes de pénalité dans le match. Avec des matchs comme ça qu'on va amener du monde au Trois-Rivières. C'est ça qui attire. Hein? C'est ça qui est le fun. Deuxième partie du week-end contre l'isothermique de Ted Furmans. Une défaite de 5-3. En première période, 2 buts. Maxime Boisclair, les 2 buts. À son premier match avec la formation. Ah. Deuxième période, rien du tout. Et troisième période, Ouellet, son troisième but de la saison. Il a 1 point par match. Hey, Mike Ouellet, c'est à la chasse-galerie la semaine dernière. Je me suis dit, Colin, il faudrait pas qu'il écoute notre émission le mardi matin. On l'aime bien. C'était le souper final d'Occupation Double, il était là. Il a manqué un match. Trois-Rivières est toujours... Je m'en fous, les gars, d'Occupation Double. Arrêtez de me parler. On fait juste ça pour te faire parler un peu. Trois-Rivières est premier. Sherbrooke, 1 point seulement derrière. Cette semaine, ils affrontent le Marquis du Saguenay et le CIMT de Rivière-du-Loup. La Liberté est meilleur pointeur de la Ligue avec 43 points en 20 matchs. Parfait. Hockey collégial 3A, les Dragons du Collège de la Flèche jouaient 2 matchs cette fin de semaine. C'est une dégelée qu'ils ont donnée au cégep André Laurando par la marque de 10-1. Et samedi contre le Collège Harrington qui est parmi les pays clubs de la Ligue, de Oka, c'était plus difficile. Victoire de 5-4 du Collège Harrington, le match qui était disputé à l'aréna de Boisbriand. Oka, Boisbriand, c'est pas proche pour deux scènes, mais en tout cas, Oka, le match avait été déplacé. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Au classement, Alma toujours premier avec 23 points, suivi de Saint-Laurent avec 21 points, Saint-Laurent 17, La Flèche 16 et Sorel-Tracy. Les rebelles qui ont 14 points. On poursuit avec la boxe. C'est une grosse fin de semaine. Probablement, il y avait le combat de Joachim Alcine. Non. On va à la musique. Tu veux une musique? Ouais, tu me coupes de même. Je te coupe de même, toi. Hey, ça n'a pas de classe. Je te garde. Il me reste 2 semaines. C'est que traitez-moi comme faux. On va aller. On garde la boxe UFC pour après la chanson. J'ai une dernière petite nouvelle, moi, de mon côté. Hockey Canada, donner les noms de l'équipe qui va participer à la Coupe Spengler dans l'état des fêtes. Intéressant. Donc ça, c'est l'équipe de Has-Been que vous pouvez voir pendant l'état des fêtes à Sportsnet d'habitude. parmi les plus grands noms qu'on peut retrouver là. Grand nom, c'est un gros mot, mais en tout cas. Alexandre Daigle, le potentiel premier choix qui va être là. Serge Aubin, on va retrouver Jean-Pierre Vigier, qui n'est pas québécois, je vous le rappelle. Randy Robitaille, Curtis Brown, Stacey Roast, dans les buts, David Leneveux et Brett Crone, deux choix de première ronde, tu me mélanges Crone, pas. Crone, ancien des Flames, puis il y a une grosse saison de passé avec les Stars en Ligue américaine. Exactement, ouais, mais là, vois-tu, il joue encore dans la Ligue américaine, il a été prêté par son club de la Ligue américaine, tout comme Brandon Bell, qui joue avec Peoria dans la Ligue américaine. Il a été prêté, hein. Ouais, on peut aussi retrouver Yannick Tremblay, Jamie Rivers, qui appartenait aux Canadiens, et Rick Jackman, entre autres. Donc, manquez pas ça. Beaucoup d'has-been, pour ceux qui connaissent pas la Coupe Spengler, c'est une coupe où s'affrontent des équipes, certaines équipes de... La Suisse, l'Allemagne. La Russe et la République tchèque. T'as-tu les clubs ou... J'ai les clubs, je les ai. L'Adler de Mannheim. Le HC Dynamo de Minsk. Bonne équipe. Le HC Énergie de Karlovy-Vassy en République tchèque. Ça, c'est beau comme ville. Et le HC Davos. Très belle place, Davos. On va avoir peut-être Di Pietro encore qui... Pas Di Pietro, il y a des bonnes chances. Tout le temps, là. Ouais. Et l'équipe du Canada joue à ça, donc manquez pas ça. Et on s'en va en musique. On va aller écouter les Cowboys Fringants. À l'époque où les Cowboys Fringants ne se prenaient pas au sérieux. Donc, moi, je le pense. On va écouter à Witch Catch. Vous écoutez les conduites de partie sur C'est Fou. C'était ça le nom de l'album. Une chanson qui, dorénavant, les Cowboys Fringants refusent de jouer en onde, pas en onde, mais en spectacle. Ils ont fait mourir la chanson durant, donc je m'ennuie de l'époque où les Cowboys Fringants se prenaient pas au sérieux, c'était le bon temps. Vous avez un privilège à l'écouter, assez fou. C'est fou. Donc, une époque où les Cowboys Fringants faisaient des tunes, des Marcel, des Roger, puis des aventures palpitantes de leur vie au lieu de pleurer tout le long de leur tune. Je l'ai dit, je m'en fous. Hey, box UFC, tant qu'à donner des coups de poing, on va en parler. On va commencer avec la box. C'était Joachim Yeltsin qui faisait son combat en fin de semaine contre Christophe Canclot. Canclot, un Français. Joachim Alessine a encore remporté son combat, mais l'autre fois, ça n'avait pas été très fort. Mais celle-là, par décision, controversée parce que l'autre a donné plusieurs coups de tête en début de combat. Mais Alessine remporte sa 32e victoire. Il a seulement une défaite. Il est le troisième aspirant pour un combat de championnat par la suite. C'était, avant le troisième, c'était Clan-Clos. Puis après ça, dans le fond, il risque d'avoir un combat de championnat très bientôt pour Joachim Alessine. Bon, on lui souhaite, hein. Je pense qu'il est dû pour ça. Oui, mais c'est après sa défaite contre Santa, c'est comme perdu toute sa confiance. Il faut qu'il regagne tranquillement. Il a recommencé à parler à Dieu. Oui, mais c'est ça que je trouvais ça bizarre avec lui. Il fait tout le temps ça. Mais quoi, il est croyant. Moi, je lui laisse ça. Je sais, mais c'est pas ça qui fait qu'il gagne son combat. Mais moi, je m'en fous personnellement qu'il croit qu'il ça. C'est juste que t'es pas obligé de m'en parler pendant 10 minutes après un combat. Là. C'est ça. Hein? Merci à Dieu pour la victoire. Puis il chante, il y a comme une chorale gospel qui rentre sur le ring. Je peux m'en passer. OK. Les autres combats en fin de semaine, il y avait Danny Green qui se battait contre Roy Jones Jr. Roy Jones qui est rendu à 40 ans, c'est une ancienne vedette. Son premier combat en sol étranger, en carrière. Il est commandité par les Marchettes Robert en plus, Roy Jones. C'était contre Danny Green en Australie. Green qui avait déjà vécu Eric Lucas pour une chance au titre contre Bayer, si je ne me trompe pas. Mm-hmm, c'est en plein ça. Mm-hmm. Sa 28e victoire contre Roy Jones au premier round, à moins d'une minute. Ça, pour Roy Jones, ça regarde pas bien, mais il risque d'avoir un autre combat vu que il y avait un autre combat, effectivement, c'était Bernard Hopkins qui se battait contre Ornelas. Je le connais pas du tout. Hopkins, 44 ans, une victoire de Hopkins par décision. Donc, il va y avoir un combat numéro 2 entre Hopkins et Roy Jones. 44 ans, combat de marchette. 44 ans contre 40 ans. Commandité par les chaises roulantes de la liberté. Pas vraiment, Hopkins devait remporter ça parce qu'il y a plus des moments de gloire que Roy Jones qui va pas très bien. Les deux gars vont rentrer en triporteur. Oh là là. OK. Il y avait aussi Paul Williams qui se battait en fin de semaine dans les poids moyens. Williams qui 38 victoires, une défaite seulement. A remporté par décision contre Sergio Martinez. 42 victoires, 2 défaites et 2 combats nuls. Williams, c'est quand même un des très grands noms dans la boxe. Il est dans les meilleurs poids, n'importe quel poids. Il est considéré dans les meilleurs. On a aussi une annonce de Floyd Mayweather qui affrontera Manny Pacquiao finalement le 13 mars prochain. Ça va être le combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe. C'est pas très surprenant. Non, depuis le temps qu'on attend ce combat-là. Oui. Pacquiao qui est le meilleur, les faux livres. Contre Floyd Mayweather, toujours invaincu. D'après toi, Nico? Mayweather, la vitesse de Mayweather est vraiment... Il est technique, il est complet. J'ai hâte de voir, on demandera à JP tantôt ce qu'il en pense de ça. JP qui aime bien gros la boxe, là, mais moi j'y vais Mayweather, je pense au niveau de la vitesse. Mayweather, j'ai toujours plus apprécié Mayweather, mais... C'est parce qu'il est fort. Défensivement, il est pas perçable, puis t'essayes de le percer, tu mets de l'énergie là-dedans, puis d'un coup, pouf, tu reçois sa droite, ou pouf, tu reçois à gauche. Puis c'est ça qui te défait, on se rappelle, il a fait pleurer Arturo Gatti. Là. C'est vrai. Tu sais, pour faire pleurer Arturo Gatti, là... Faut que tu le défasses pas à peu près dans le ring ou que tu sois son épouse. Un des deux. Nico. Tu peux pas faire ça. Là, ça se disait pas, là. En fin de semaine, Jean-Pascal Diaconu 2. Changeons de sujet. En fin de semaine, Pascal Diaconu 2. Nico avait bien apprécié le premier combat, je pense. Il faut encore regarder ça en fin de semaine si t'as la chance, mais seul cette fois-ci. Oui. Le gagnant du combat affrontera Chad Dawson, qui est quand même très reconnu. Diaconu était supposé se battre contre Dawson au moment qu'il était champion, sauf que la blessure à Dawson a retardé. Puis là, finalement, c'est Pascal qui est devenu champion. C'est le gagnant du combat affrontera Dawson par la suite, qui est toujours invaincu. C'est une bonne opposition. Là. Mmh. C'est un bon combat à venir. Là. C'est deux bons combats qui vont suivre. Peu importe qui gagne. C'est également le retour d'Éric Lucas après sa retraite de quelques années contre Pedro Moyano, 37 ans. Lui ici sort de la retraite. Un combat de retraité. Ouais. On va voir si Éric Lucas a repris la forme. Il est un peu plus gras à un moment donné, mais il doit avoir pris un petit peu de shape tranquillement pendant son entraînement. C'est un combat de 8 rondes qui est prévu pour en fin de semaine. Dans le UFC, en fin de semaine, c'était la finale de Ultimate Fighter. Je vais vous dire les résultats. Ryan Nelson est le grand gagnant de Ultimate Fighter cette année des poids lourds. Il a battu par KO au premier round contre Brandon Schaub, un ancien joueur des Broncos de Denver, je ne me trompe pas, ou des Texans de Houston. Matt Hamill, une victoire contre John Jones par disqualification au premier round. Kimbo Slice, j'avais raison, a remporté son combat par décision. Ben, je n'avais peut-être pas dit par décision. Mais Houston Alexander a été craintif tout le long. Il tournait, ça tournait autour, il voulait pas l'approcher. Il mangeait un coup, c'est sûr qu'il tombait à terre à 100%. Finalement, Kimbo Slice a réussi à porter quelques coups et a remporté le combat. Frank Edgar, sa 11e victoire, seulement une défaite contre Matt Veach. J'avais dit que Veach gagnerait parce qu'il était 11-0, mais finalement, il a perdu son premier combat en carrière. Et Marcus Jones a perdu contre Matt Mitrione, un KO au premier round. En fin de semaine, c'est l'UFC 107. BJ Penn affrontera Diego Sanchez. Sanchez qui a 4 victoires de fil, 23 victoires, 2 défaites contre BJ Penn. On sait ce qu'il a fait, on l'a vu contre Georges St-Pierre. Je dirais une victoire de BJ Penn au deuxième round par soumission. Frank Mir s'en prend à Cheek Congo. Deux poids lourds assez impressionnants. Frank Mir, c'est contre Brock Lesnar, la fameuse histoire, et Congo a affronté des moins gros noms, mais il est en très grande forme physique. Je dirais quand même que Frank Mir, vu qu'il y a plus de technique, devrait remporter le combat. Il y a John Fitch, un ancien opposant de Georges St-Pierre. 23 victoires, 3 défaites. S'en prend à Nate Pearce. Je prendrai une victoire de John Fitch. Il y a Kenny Florian qui se bat contre Clay Guida. Florian devrait remporter le combat par soumission au troisième round environ. Et c'est le retour de Rampage Jackson qui avait dit qu'il avait pris sa retraite pour faire du cinéma. Et finalement, il veut absolument la tête de Rashad Evans. Bon. Fait le combat aura lieu dans sûrement au UFC 108 ou 109, quelque chose comme ça. Donc Rampage Jackson qui revient sur sa décision. Et finalement, Dan Anderson, une légende de UFC et de Pride, a quitté l'organisation un conflit pour son contrat. Il se retrouve avec Strikeforce, c'est le deuxième gros nom qui se retrouve là-bas, après Fedor et Emelianenko. Ben, c'est parfait ça. C'est bon. Attends, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. On va aller une pause au retour. On va avoir JP qui va venir parler de football, une petite chanson avant. Donc, restez avec nous. Nous sommes les conduits de partie sur C'est fou. Écoutez les Palmarès C'est fou les mercredis et jeudis de 13h à 15h en édition anglo le mercredi et franco le jeudi. Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu Plante. Tout ça en rappel les vendredis soirs des 17h à C'est fou. Découvrez le 6e album du projet Biobazar, Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète net. iTunes, Amazon, Beatport, Napster, eMusic. Pour ne nommer que ceux-là. Futuristic Psychedelic Archives, pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible au dannyjanvier.com. Elle est de retour et elle n'est pas contente. Avec son championnat de jam débile... Enregistré au Café Chaos, ma tante Frère, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de ma tante Frac, tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM! Toi, qui es-tu? Dean Portman. D'où viens-tu? Chicago, Illinois. Toi, Guy Germain. D'où es-tu? Saint Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pierre. Luis Mendoza, Miami, Floride. Sébastien Proux, Joliette. Fontainebleau, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Kenwoo, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. speak, even whisper. There's something happening, but don't be scared. I'm too smooth, you never see me coming. I'm never in a hurry, I'm just moving fast. I said, ow! Tonight, yeah, baby, here I stand. I'm your impossible man. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Eagles of Death Metal avec la chanson Don't Speak. I came to make a bang. Hey, cette tune-là, j'ai pogné ça dans un vidéo de snow. Moi, je trouve bien gros vidéo de snow, de ski. MacDog Productions, que ça s'appelle, la compagnie, font des vidéos débiles, vraiment débiles au niveau de tout ce qui est visuel, mais au niveau des tunes, là, tu vas avoir du Dolly Parton, tu vas avoir du NoFX dans le même film. Là. Excellent, excellent. Je recommande moi personnellement Follow Me Around puis Down With People, les deux mes préférés. Donc, allez voir ça. On a oublié d'en parler, combat ultime, Sébastien, XMF 2 cette fin de semaine à Trois-Rivières. On a assisté les deux au gala qui avait lieu en fin de semaine. On avait parlé un peu de l'émission avec l'organisateur la semaine passée. C'était un bel événement quand même, oui. On doit le dire. Il y a eu quelques problèmes au niveau des combattants qui ne se sont pas présentés. C'est la seule chose qui est dommage parce que, dans le fond, le spectacle était quand même excellent. Bien organisé. Ben, c'était un bel endroit, le Séminaire Saint-Joseph. Pour l'endroit, c'était parfait. C'était parfait. Le nombre de places assises, c'était l'idéal. Il y aurait, oui. Au fond, plus gros, ça aurait pas été nécessaire. C'est ça. Seulement le combat principal qui a été annulé, celui de Sébastien Cyr, parce que Cyr s'était blessé dans un match du Carongué à moins de 3 minutes de la fin. Ah, 30 secondes de la fin. C'était vraiment dommage parce que, dans le fond, ils n'ont pas vraiment trouvé de combattant pour le remplacer rendu là-bas. Non. Donc, mais pas de main event, ça fait mal. Ça fait mal à un événement. Tu peux pas le savoir quand le gars il fait deux emplois en même temps, puis c'est des emplois qui risquent de se blesser. Mais c'est du combat amateur, hein. Fait que tu peux pas faire ça, t'es pas payé pour faire ça. Là. Donc, t'as pas le choix d'avoir d'autres choses. T'as pas le choix d'avoir un autre emploi. Là. Puis c'est ça. Puis il y a certains combattants aussi de d'autres villes qui se sont pas présentés. Par exemple, celui que JP Giroux devait affronter ne s'est pas présenté. Il y avait une certaine crainte, il paraît. Je parlais avec la blonde de M. Giroux. Okay. Puis elle m'a dit qu'il y avait une crainte du gars parce que JP a plus d'expérience, plus de combats. L'autre aurait comme abandonné pour dire je suis pas prête à t'affronter. Bon, mais c'est quand ça se fait à dernière minute de même. Il y a un petit problème au niveau de comment c'est régi. Ça, c'est sûr que le sport débute encore. C'est quand même nouveau. Donc, avant que ça soit assez établi, il y en a pour quelques années. Moi, je dis là, avant que ça soit. justement, comme un peu comme la boxe. Ben, c'est seulement le deuxième gala. Fait que, ouais, c'est ça. Non, mais il y en a eu d'autres avant. Là. C'est son deuxième XMF en tant que tel. Oh, ouais. Il y avait eu d'autres galas. Mais je parle pas juste au niveau XMF, je parle au niveau de la province au complet. Tu en as à Rivière-du-Loup, tu en as à Sherbrooke, à Montréal, des galas comme ça. Donc, c'est pas à Québec, probablement. Ouais. Ouais, okay. Nordic Fight Club. OK, parfait. Donc c'est ça. Fait que on va voir ce que ça va donner dans les prochains. Je dis qu'il y en a pour un, deux ans avant que ça soit très bien régi. C'est sûr. Facilement. Donc on y va au football. Là. Allons-y avec la NCAA, vu qu'il n'y a plus de CIS. Monsieur JP Grenier, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va bien, ça va bien. En pleine forme. Excellent, excellent. Ben de la neige à Sherbrooke? Ouais, quand même. C'est commencé déjà? Trop à mon goût. Bah ben, come on. Hein. Des petites filles avec des lulus et des tucs? Je suis pas sorti encore dehors. OK. Ah, non, mais sont à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Sont à la bibliothèque, il paraît. Ouais, sont tous à la bibliothèque. On entend du gros parler, là, sur Internet. Tu parles... On n'embarquera pas trop là-dedans. Non, ouais. t'as l'air à te tenir là, pas mal. Ben, j'ai pas le choix. Hein. C'est la fin de session? Ouais, ouais, il y a pas le choix. Donc, pas une grosse semaine de CIS, il y en a plus, c'est fini. Donc, c'est ça. On l'a dit. Grosse fin de semaine, personnellement, moi, je trouve beaucoup de matchs qui sont finis assez serrés, des résultats intéressants. Surtout dans le top 25, là, c'était vraiment... Ouais, il y avait beaucoup de changements. Il y avait, d'après moi, le plus gros match de l'année qui s'est soldé par une marque d'Alabama qui ont gagné contre Florida. Une varlope. Très content, là. Oui, ben moi, j'avais pris Florida, là, fait que je suis pas un fan d'Alabama. Les Crimson Tide ont gagné, donc un match même pas serré. Tim Tebow qui finit sa carrière, il a quand même pas joué un mauvais match. Là, 20 à 35, 247 verges et un touché. Sauf que vraiment, là, les Crimson Tide ont été dominants. Drake McElroy, 12 en 18, 239 verges avec un touché. Il a vraiment été, je trouve que personnellement, dans sa pochette protectrice, il était pas touchable. Il n'y a eu aucun sac du corps quasiment. Donc, non, en fait, un gros match. Je pense que l'Alabama ont pris leur petite revanche de l'an passé parce que, selon moi, c'est eux qui étaient supposés gagner l'an passé. Je sais que le match a fini 31-20 pour Florida, mais dans le fond, les Tides là, qui s'en revanchent bien. Mm-hmm. Sinon, pour les autres matchs, pas de surprise en tant que tel, mais des matchs qui ont fini vraiment serrés. Là, comme je sais que toi, la semaine passée, Nicolas, t'avais prédit que Pittsburgh gagnerait peut-être contre Cincinnati. Ben oui! Ça a fini 45-44. Sur un botté manqué, là, les Pittsburgh avaient pris l'avantage. L'avance 44-38. Puis le sur la remise pour Pittsburgh, manque leur coup. Ouch, hein? Ça t'a scrappé. C'est dommage, la Coupe Grey, là. Oui, oui. Mais la drop qu'ils ont pogné, ils ont passé du top 10 assez dans, genre, je pense que c'était le 6 ou 7e rang. Ils sont rendus 17e classé. Pittsburgh? Non, 17. Il était les deux dans le top 10 la semaine passée. Pittsburgh était 14e. Ouais, 14? Je pense que t'es fou. Je l'ai devant moi, Cincinnati 5, ouais. Pittsburgh 14. Ouais. Cincinnati a monté de 1. Cincinnati se retrouve devant Florida, dans le fond. Oui, c'est ça qui est arrivé. C'est cool. Parce que TCU ont gardé leur avantage. Donc, un autre match qui était intéressant, qui a fini par une surprise, Arizona qui vont battre USC 21-17. Mm-hmm. Ben, avec l'année que USC ont eu, là, c'est sûr qu'Arizona n'était même pas classé, là. Mais USC, cette année, c'est ça laisse à désirer. C'est un fiasco. Oui. OK. Un autre match, Washington qui l'emporte par surprise contre California, 42-10. Même pas un match serré. On se souvient, Washington qui avait battu auparavant USC plus tôt dans la saison. Donc, finissent avec une fiche de 5-7, mais le meilleur est à venir dans leur cas. Ouais, hein, je pense que juste la victoire, ça va avoir été le fait saillant de l'année. Tant qu'à... Je pense qu'ils préfèrent ça, avoir eu une participation dans un bowl miteux un peu de fin de classement, là, quelque chose comme ça. Là. Donc, exactement. Et puis, il y en a gros qui disaient que Texas, dans le fond, bon, il était assuré de finir pour le championnat de la BCS, sauf qu'ils ont failli l'échapper en fin de semaine. Oui, là, ils ont seulement gagné 13-12 contre Nebraska. Je sais que Nebraska, c'est quand même une force défensivement. Puis, ils ont des gros joueurs, sauf que, écoute, ils sont classés 21e. Puis, Texas, on s'entendait tous qu'on les voyait dépendant du match Florida-Alabama, là, le championnat de la SEC. Là. Oui. On s'entendait qu'on les voyait en finale, fait qu'ils m'ont pas impressionné ben. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va en parler plus, mais Je vois plus une victoire d'Alabama au dernier match de la saison contre eux. Et finalement, ben c'est ça, là, les matchs étaient ça en fin de semaine. Des grosses nouvelles, dans le fond, Notre-Dame, Charlie Weiss, ils l'ont expulsé. Terminé. Donc, dit, mais non seulement ils perdent leur coach, mais aussi leur corps arrière. Là. T'as Jimmy Clausen qui a décidé de s'en aller pro. C'est comprenable là, dans son cas, là, avec le programme qu'a Notre-Dame, moi, depuis une couple d'années. Et aussi avec un nouveau système d'entraîneur, puis tout changer, recommencer ça à zéro, lui, il faudrait qu'il s'adapte. C'est sûr que, d'après moi, ses statistiques auraient pris, comme on va dire, une drop, là. Mm-hmm. Il aurait pris, dans le fond, un recul, donc. Puis tu veux pas faire comme Sam Bradford a fait, puis revenir sa dernière année, puis te démolir l'épaule ou quelque chose comme ça, subir une grosse blessure. La différence avec Bradford, je pense, c'est que Bradford avait le club. Oui, non, ouais, ça, je suis totalement d'accord, on se comprend. La motivation était plus grande. Même affaire pour Thibault. Yannick qui dit qu'il aurait pu aller pro, moi je pense pas, mais tu sais, je veux dire, Florida avait un club aussi, donc c'est sûr qu'en changeant de coach, déjà Notre Dame a pas connu la saison qu'il espérait, puis en plus, tout le monde s'en va. Là, t'as Golden Tate, qui est selon moi un des meilleurs receveurs de la Ligue, va être un gros joueur de la NFL, qui s'en va lui aussi, donc non seulement il perd une couple de gars de la ligne offensive, mais il perd son receveur numéro 1, fait que non, je sais, garde, il va falloir qu'il se rabatte sur la course l'an prochain, Notre-Dame, à moins qu'il trouve une perle rare chez les leur carrière déjà établie ou bien dans les rangs secondaires, sauf que ça augure pas bien pour eux l'an prochain. En plus que là, ils ont deux entraîneurs sur leur masse salariale. Ouais. T'as Willingham, l'ancien qui était là, puis là, t'as Charlie Weiss. Ça fait deux coachs quand même assez bien rémunérés. On a commencé à parler de nouvel entraîneur ou pas encore? Non, c'est ça. Il y a des noms, là. Jim Harbaugh irait là, ou bien encore l'entraîneur Cali de Cincinnati, mais est-ce qu'ils vont sentir l'argent? Ça, je ne sais pas. Ça fait déjà cher payer pour deux coachs qui sont même pas là, dans le fond. Ouais, Brian Kelly serait sûrement cher aussi s'ils vont chercher celui de Cincinnati. Exactement. C'est des gars que, non seulement, il y a une renommée. Ils vont-ils aller chercher peut-être un gars qui a moins de succès dans la NFL, mais qui connaît la game, pour ensuite l'amener un peu comme Alabama y avait fait avec Saban? Je ne sais pas. Saban est avec Miami? Oui. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas vers quoi ils vont se tourner. Écoute, leur dernier, ouais, c'était un gars de la NFL, ça n'a pas marché. Celui d'avant, c'était un gars de l'NCAA, ça n'a pas marché. En même temps, je sais que là, ils ont un système pro. Hein? Ils ont un système offensif basé sur le pro. Là, la West Coast, un peu, là? Exactement. Ouais. Fait que, peut-être, selon moi, à court terme, ça serait peut-être d'aller chercher un gars de la NFL qui connaît plus ce système-là, que d'amener un gars comme, mettons, Michigan ont fait, puis recommencer encore à zéro avec un tout nouveau système, voir le spread, là. Ça a beaucoup de succès collégial, sauf qu'à court terme, ça vaut rien, là. On l'a bien vu avec Michigan. Ouais, ben ça, c'était Rich Rodriguez qui, ça, écoute, ce qu'il a réussi à faire à West Virginia ne s'applique tout simplement pas. Pas le premier coach qui arrive d'un autre programme qui a eu beaucoup de succès, puis que ça marche pas dans un gros programme en tant que tel, là. Ah, c'est vrai. T'as raison. C'est ça, donc... Hey, Iceman, les candidats sont sortis. T'as-tu ça devant toi ou? J'ai McCall, McGilroy. Tim Tebow. Tebow, j'ai tout le Gerrard. Le Gerrard. Puis Sue. On va dire. De Nebraska, nom, là. Ouais, je sais, j'arrive pas à le prononcer. J'allais dans moi, là. Damukong Sue. Sue, en tout cas, un joueur de ligne défensive, là, exactement. Là, qui, top 3 pour le prochain repêchage de la NFL. Ouais, surveiller. Qui a vraiment démoli Colt McCoy en fin de semaine. Là. Exactement. Il était partout. Il aurait pu se blesser. Ouais, c'est ça. Donc, il aurait pu finir de quoi. Là. Imagine Texas qui perd en fin de semaine. Comment ça aurait été l'enfer au niveau du BCS. Mais je sais pas qui aurait pris leur place. Ça aurait été TCU ou Cincinnati. Sûrement Cincinnati. Je pense que c'est une équipe invaincue. Ben oui. Qui parce tu veux mettre? Florida aurait quand même pu être considéré. Non, non, il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Ça s'est joué ce match-là. Tu te rappelles-tu, Michigan, il y a une couple d'années? C'est vrai. Il l'aurait pas fait. Ça serait retrouvé. Écoute, ça aurait été l'enfer. T'aurais eu des instances qui auraient capoté. C'est la controverse parce qu'on s'entend que c'est pas les petites conférences qui auraient. Là, Florida va se prendre contre Cincinnati au Sugar Bowl. Non, c'est ça. J'allais devant moi. Ouais, c'est ça. Florida, Cincinnati. Tu vas avoir... là, ils ont matché TCU contre Boise State. Fait que les deux... ils ont mis les deux pétudes brou de des petites conférences, des pétudes party dans le même bowl. Comme ça, tu règles aucunement la question. Hein, tu sais, au lieu de faire comme... Ah ouais, est-ce que TCU serait capable de battre Florida? Ou est-ce que... Est-ce que Boise State pourrait battre Oregon? Ben, ici, ils l'ont fait, par contre, mais... en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Au lieu d'essayer de régler ça, on met les deux ensemble, puis ah ouais, on les laisse jouer ensemble, comme dans le bowl du « tu t'y rendras jamais », là. Ça va être... Donc, on va en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Exactement. Je vais vous faire un résumé de chacun des bowls les plus importants. Ben, c'est bon, ça. En temps martien, JP, j'ai l'impression que t'as fini, là? Pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Écoute, donc, en tout cas, ça va être intéressant, ça, Yves. J'ai hâte de voir ça. Vois-tu, c'est la folie, le Gator Bowl, c'est ça. Toutes les 77 000 tickets se sont vendus en 2 heures. Le dernier match de Bobby Bowden à Florida State. Exactement, Florida State qui prend. Bobby prend sa retraite. Il est là depuis 33 ans, donc. Un expérimenté. Exactement. Je pense que là, son opinion sur la boxe, bien vite. Là, oui, hey, je voulais ton opinion sur Mayweather, Pacquiao. Mayweather va gagner trop. Je sais qu'il y en a gros qui le critiquent, là, boxe trop défensive, il tue la game, sauf que c'est le meilleur. Là. Moi, c'est mon homme, il est arrogant, il est parfait, il est rapide. C'est de l'anti-box peut-être, sauf qu'il n'y a pas un gars meilleur que lui. Fait qu'il y a, par exemple, ça va être tout un match, on s'entend. Ouais, ça va se vendre, ça. Meilleur que Dalloya, mais well. Ah oui, c'est bon, ça. Allez, merci beaucoup, JP. All right. Prends soin de toi. Bonne semaine, les boys. Salut. Bonnes. Excellent. Salut, JP. Salut. Donc, on y va avec le calendrier. J'ai rien dans CIS, dans SEC, JP. JP, excuse, Pierre-Luc. Pierre-Luc. Ouais, Pierre-Luc, comme d'habitude. Pierre-Luc, malheureusement. Donc, pour les Cataractes, cette semaine, 2 matchs. On est au Centre Bionesse pour recevoir les Saguenayens vendredi à 19h30 et on reçoit les Huskies de Rouyn-Noranda samedi à 16h. Du côté des Tigres, on reçoit 3 matchs en 3 soirs cette semaine. Donc, tout d'abord, jeudi, on reçoit la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton qui ne sont pas tirés des... de n'importe... qui sont pas tirés des... c'est quoi, non? Des boulamites. Ouais, c'est ça, tirés des boulamites. Tirés d'affaires. Très bonne équipe. Ensuite, ils se retrouvent à Québec pour affronter les Remparts vendredi. Donc, encore une fois, ça sera pas facile. Et Drummondville samedi. Donc, 3 gros matchs cette fin de semaine en 3 soirs pour nos Tigres. Du côté des Voltigeurs, ils sont à Lewiston mercredi et ils reviennent du côté du Centre Macédoine vendredi pour affronter les Screaming Eagles. Et dans ce qui va se dérouler à Trois-Rivières, bon, ben, le collégial 3, la Flèche joue, c'est vendredi ici même contre Sorel-Tracy et contre André-Lorando ce dimanche. Ici, c'est à 20h au pavillon Claude-Mongrain. Hey, merci d'avoir écouté là tout le monde. On se laisse en musique. On va aller écouter Méfie-toi, Méfisto du groupe Ariel. Bonne chance à tout le monde si c'est en fin de session. Lâchez pas, il en reste pas plus longtemps. Bonne fin de session. Salut, tout bonne monde. Session. Bonne session, bonne fin de semaine. Curieux minois, banni en haut, comment?